100% rap français. Et c'est parti juste après Difool pour la nocturne 100% rap français. Pendant une bonne heure maintenant, nous sommes avec monsieur Swiftgad qui est là. Allô. Ça va ou quoi, frère? Ça va et toi? On est là. Je me suis dit merde, le mec, ça y est, il est là, mais il est pas là. On l'a perdu dès le début. Comment va? Ça va et toi? Je suis content de te recevoir. Ah, moi aussi, ça me fait plaisir d'être invité chez toi. Eh bah écoute, bienvenue en tout cas, Swiftgad. J'ai envie de te demander un petit CV express pour les gens qui vont te découvrir aussi, peut-être sur Skyrock ce soir dans la nocturne. Ouais, bah Swiftgad. Ça fait un moment quand même, Ah, ça fait un moment, depuis de longues années. Donc, rappeur originaire de Montreuil, 9300. Narvalo. Et qui est le Narvalo de la Croix de Chavaux, voilà, pour ceux qui savent. Et sinon, là, c'est le 10e projet que je sors en solo. 10e, là. 10e, ça commence à faire long. Mais c'est que le début, en vrai. C'est ça, en fait. C'est un nouveau départ. Bon bah bienvenue en tout cas dans cette nocturne. Merci. Tu prends le contrôle pendant une bonne heure. Ok. Je crois qu'il y aura une session freestyle, une grosse session freestyle. Il y aura une grosse session freestyle avec pas mal d'invités qui sont dans le studio. Ouais. On va aussi rappeler donc le 10e projet sorti quand? Là? Alors le 10e projet, quelques c'est quelques semaines. Voilà, ça s'appelle Vice et Vertu Volume 2. C'est sorti le 9 octobre dans les bacs, dispo partout, Fnac, iTunes, on connaît le truc. Et puis voilà, hein, ça se présente bien, ça donc, se porte bien. Donc par exemple, imaginons. Des gens te découvrent ou ils se disent d'un seul coup merde, Swiftgad, je kiffais, mais j'ai pas encore acheté le dernier projet. Est-ce que par exemple ce soir on peut aller cliquer, on l'a? Ouais, n'importe où tu vas cliquer, tu trouves le lien, tu l'as, logiquement. Le projet s'appelle. Il suffit de regarder n'importe quel clip sur YouTube et il y a les liens en dessous pour aller pécho le projet. Le projet qui s'appelle Vice et Vertu Volume 2. Vice et Vertu Volume 2. Voilà. Pendant une grosse demi-heure, on va le découvrir. On va passer des sons, je pense que du dernier projet, non? Ou il y a d'autres choses aussi qu'on va. Non, on va essentiellement passer des nouveautés, hein, ouais, du dernier projet, voilà. Et ben on attaque. Allez, c'est parti, Tonio est au platine. Tonio est là. Il va nous donner cette saveur. Mets-nous bien, Tonio. Swiftgad au contrôle, les messages. Aïe. Avec le hashtag Skyrock, ça arrive dans le studio. Balancez les messages. Il est là, Swiftgad. Vous allez kiffer si vous connaissez pas encore. Écoutez ça. Verbal, le savoir faire mal, une allure infernale, donc mieux vaut avoir l'airbag. Va falloir faire face si tu vois ma perdasse. Donne-moi à boire whisky et glace et voilà le Texas. Attention, je tire dans les rotules, frère. Je m'édave tellement que j'en ai des globules verts. Je vous vois tout petit du haut de mes grosses bulles d'air. Après l'after, t'as des blêmes provulvaires. Je fume les nuages, je fous mon remue-ménage. Tu parades dans les clips avec des teupus d'élevage. Fais tourner le manège, secoue-toi bien les ménages. On peut trouver de la neige qui vient de la planète des singes. T'es trop en chien, tu sens la piste de clébard. Multiplions par 10 la mise de départ. Ça va deux fois plus vite qu'une course de guépard. À mon premier million, je te jure que je ferai la coupe de Neymar. Tu dis que je suis décevant et que je n'ai plus la pêche. J'exécute les contrats, Belzébuth m'appelle. Des fois je suis un peu lent et je fume la fraîche. Des fois je suis impoli, excuse my French. Tous des fils de pute, excuse my French. Tous des enculés, excuse my French. Tous des malabris, excuse my French. Sucez-moi la bite, excuse my French. Excuse my French. Excuse my French. Excuse my French. Ici on en a trop marre de péter des câbles. Eh ouais connard, t'es sur un siège éjectable. Alors tu presses des albums en espérant que tu pètes mal. Tu sens la MST, t'es comme un vétéran du Vietnam. Obligé de vous braquer pour soigner nos mères mourantes. Obligé de me vénère parce que la prod est bouillante. J'aime les plantes et l'alcool, j'ai pris un mauvais tournant. La drogue ça marche tellement que c'est devenu monnaie courante. Le jardin d'Eden, il est loin de mon cœur de ville. J'ai le canon scié caché sous la feuille de vigne. J'ai des rimes en saccadé du flow pour chaque tête de pique. J'ai la beat sponsorisée par je m'aime Maybelline. Parce que la rue est pleine de sales jigsaw. T'es pas d'ici, protège ta carte Visa. Appelle-moi, je fais des prix, je fais pas des bails bizarres. Pour les baptêmes, les circoncisions, les bar mitzvah. Tu dis que je suis décevant et que je n'ai plus la pêche. J'exécute les contrats, Belzébuth m'appelle. Des fois je suis un peu lent et je fume la fraîche. Des fois je suis impoli, excuse my French. Tous des fils de pute, excuse my French. Tous des enculés, excuse my French. Tous des malabris, excuse my French. Sucez-moi la bite, excuse my French. Attends, imagine, si les braves gens n'avaient pas la foi, ce qu'ils s'autoriseraient à faire? Pas exactement ce qu'ils font déjà, sauf qu'ils s'en cacheraient pas. Mon cul. On tomberait en pleine débauche, ce serait des meurtres, une orgie permanente et tu le sais très bien. Il faut leur promettre une récompense divine pour empêcher les gens de tomber dans la débauche. Alors c'est que les gens n'ont que de la merde dans le crâne. La planète rap nocturne sur Skyrock. Nocturne. Lâchez-moi la grappe, dans tous les sens du terme, moi je suis passé à la trappe. Là c'est l'abattoir, tu pourrais plus jamais rapper si on te cassait la mâchoire. La bouteille qui va la boire, on se met la tête en l'air grâce à des procédés inhalatoires. Tu veux la guerre, tu vas la voir, t'es tellement loin du compte que dans le peur à moi j'ai du mal à te voir. Vrai hip-hop frère, pas d'arnaque. MC hors pair, pas d'awan. V6 Corvette, caravane. Hélicoptère, pas la voile. Y'a de l'EPO dans le cul du canasson. Mauvais pressentiment, le chat crevé, surtout paillasson. Un carnassier qui roule en char d'assaut. Avec ton corps on fera du carpaccio. Un microphone et tous les potes se vénèrent. On kick trop fort et tous les rocks se fêlèrent. J'écris sur tout support, même sur corps de fémène. Tristement y'a plus personne ici pour fuck le FN. Dans mon chantier les corps s'empilent. Pas besoin de triplette et mort dans le film. Ça baisse entre les potes sans fil. T'es bon dernier du top 100 000. C'est pour ceux qui se réveillent comme au matin d'une guerre. Pour toutes les femmes du monde, même les catins du père. Pour tous les petits déblocs et les gamins pubères. Pour tous les abbés Pierre et les Martin Luther. C'est pour tous ceux qui se lèvent comme au matin d'une guerre. Pour toutes les femmes du monde, même les catins du père. Pour tous les petits déblocs et les gamins pubères. Pour tous les abbés Pierre et les Martin Luther. Pour tous les abbés Pierre et les Martin Luther. Pour tous les abbés Pierre et les Martin Luther. Pour tous les abbés Pierre et les Martin Luther. Pour tous les abbés Pierre et les Martin Luther. Lâchez-moi la grappe, les accords de paix sont fragiles comme disait Yasser Arafat. C'est pas un god mais c'est mon bras qui t'est bien passé par la chatte. Moi je refais ton éducation, tu peux en parler à Najat. Je vais tout laver à l'Ajax, te ravager la façade. Ce soir tout doit disparaître, je suis un peu comme Gérard Majax. Prépare ma lax de Sky, mets-toi à la race. Y'a de la conso à volonté comme au buffet César Palace. Dans mon charnier les corps s'empilent. Chez nous t'inquiète on dort tranquille. N'achève de là tu sais pas comment rimer. Va tapiner avec tes cols enfilés. T'as trop gobé de la merde, t'en as mal à l'estomac. Avec Zaman et Colal, puis 2-3 malestoras. C'est les lyrics de Dieu, c'est pas Maradona. Moi je suis monté tellement haut qu'il faut que je mâche la coca. Addictivé dans la salle d'autopsie. La victime elle aura mal au coccyx. Une odeur de pisse qui coule de ton lit. Je viens rapper avec la coupe de Fonzie. Ta chérie va se faire une mammoplastie. Et va me pêcher aux herbes aromatiques. Une seule qui sort du chapeau magique. Je vais jongler avec ton anneau gastrique. C'est pour ceux qui se réveillent comme on atteint une guerre. Pour toutes les femmes du monde, même les catins du père. Pour tous les petits déblocs et les gamins pubères. Pour tous les abbés Pierre et les Martin Luther. C'est pour tous ceux qui se lèvent comme au matin d'une guerre. Pour toutes les femmes du monde, même les catins du père. Pour tous les petits déblocs et les gamins pubères. Pour tous les abbés Pierre et les Martin Luther. Pour tous les abbés Pierre et les Martin Luther. Pour tous les abbés Pierre et les Martin Luther. Pour tous les abbés Pierre et les Martin Luther. Pour tous les abbés Pierre et les Martin Luther. C'est vertu volume 2 qui peut tester l'arbalo. Non on fera rien même si on allait le faire. Ta poussie c'est comme du papier de verre. Ta fin de carrière on va faire ça pépère. Et tu vas pisser par un cathéter. Je vois des gars d'éther qui se clashent comme des huîtres. Une demi-douzaine de mines parce que ça marche comme des huîtres. Et les rappeurs deviennent plus fachos que ces keufs sinistres. Si je crache le morceau moi je te mets du dirty freeze. T'as des beats lourds mais t'as aucun talent. Ton seul réseau je crois que c'est copains d'avant. La façade de la France a peut-être besoin d'un ravalement. Big up aux soldats morts sans qui on ferait du rap allemand. Tous ces MC qui parlent je me nourris d'eux. Les meilleurs partent en premier, je ne vais pas mourir vieux. Si t'as trouvé Belzébuth, commence à chercher Dieu. Sache que j'ai le compas dans l'œil et puis que ça crève les yeux. Le schizophrène a des rimes hors de prix. Je ferai poids de fuite avec moi-même car je suis plus fort que lui. Mort de rire, un cocktail en bord de mer. Je me revois 10 ans en arrière, pendant tout le mois je mangeais des pommes de terre. Du camas et des tailles de tease. Du caviar et des écrevisses. Un calache et la feuille de vigne. Du caca sur ta fleur de lys. Si tu sais pas quoi faire, écoute la mélodie. Un petit peu d'aquatwerk, une séance d'aérobit. Je vois que le niveau diminue, j'entends que des mini-putes. Ce que t'as écrit en 2-3 mois, je le gratte au chiot en 10 minutes. parce que ta vie c'est comme la guerre de Corée. À quoi sert de courir, ton rap ne rapporte pas de l'OV. Tu cherches quoi, le respect, la guerre ou la renommée? Donne ton corps aux scientifiques, ton cul c'est l'arche de Noé. Tape la branlette jusqu'à la surdité. C'est pas l'album de la maturité. T'auras qu'une chance et faudra pas me rater. Promotion canapé, t'as le pédigré des Norama à la grille. Mec c'est pas trop logique, névrose pathologique. Je me tapais au quotidien des restos gastronomiques. J'ai fait mal au chromie, gare au brolique. Autant vous dire que là je vous prépare quelque chose d'astronomique. Pas de boniment car c'est ça ma bonhomie. J'ai pas demandé poliment de stopper cette cacophonie. De la maille et des gamos, toi t'en fais l'apologie. T'es rouillé, t'as le tétanos comme la chatte à Polonie. Du gamas et des tailles de tisse. Caviar et des écrevisses. Un calache sous la feuille de vie. Du caca sur ta fleur de lys. Sous une canne, plein de vices et plein de vertus mon gros. C'est pour tout Narvalo. Claude la croix de Chabot. Vice et vertu volume 2. Pour leur fève Tony O. Est-ce que c'est Blix à la prod mon gros? Vice et vertu. Monsieur Swiftgad au contrôle de la nocturne, il est là. Si si. Fleur de Lys. Extrait de Vice et vertu volume 2. Dans les bacs. Ça c'est le dernier projet en date. Voilà. Bon, alors explique un petit peu quand même l'histoire, toi, la première claque rapologique, tu te souviens ou pas? Alors, Swiftgad, c'était quoi ce qui t'a donné envie de rapper? Bah, je pense que c'était les Quinry, d'abord des gars comme Mobb Deep. Mobb Deep, ouais, j'allais dire Mobb Deep. Busta Rhymes, tu vois, j'étais vraiment de l'école East Coast New York. Ouais, forcément. Et puis après, bah, comme tous les jeunes de ma génération, j'étais bercé par les NTM, des gens comme ça, et puis voilà. Hein, en même temps, tu viens de Montreuil, donc le 9-3. 93-100, exactement, Montreuil sous bois, la bannière, le drapeau. D'ailleurs, si vous allez cliquer, il y a des reportages en ce moment. Il y a un truc sur Montreuil qui est vachement bien foutu, en fait, où on te voit sur un premier épisode, en fait. Je crois que c'est sur le site Street Press, hein, c'est ça, on peut retrouver. Ouais, c'est ça. Et puis les épisodes sont dispo aussi sur YouTube. Mmh. Et c'est des gars d'un blog qui s'appelle La Trempe qui ont fait un reportage sur Montreuil à travers les artistes, en fait, essentiellement à travers les artistes rap. Et donc, j'en fais partie et ça m'a fait plaisir d'y participer pour mettre la ville de Montreuil sur la carte de la géographie du rap, quoi. Donc à l'origine, le rap pour toi c'est passion parce que t'aimais écrire. Ouais, voilà, c'est ça. Moi au début j'ai commencé par faire des prods. Et voilà, à l'époque on avait créé un label qui s'appelait Horizon Prod avec des artistes comme Paco déjà, des gars comme Bazané. Et puis voilà, maintenant je me suis mis plus à l'écriture. Et c'est vrai que j'ai un peu plus lâché la prod. Bon, est-ce que t'es heureux? Ouais. Est-ce que ça va? Ouais, heureux, épanoui. Épanoui. Je suis content. Le dernier bébé se porte bien. Il se porte bien, c'est quand même le 10e projet, tu nous disais. Donc ouais, c'est le 10e projet en solo, ouais, exact. Et on continue à le découvrir. Tout à l'heure, il y aura une grosse session live avec plein de gens qui sont là avec toi, autour de toi. Yes, je peux déjà annoncer qu'il y a Jarod qui est dans les studios. Il y a DMC à surveiller de près. Je l'avais pas vu. À chaque fois, Jarod, je le reconnais pas. Ah, il est caché sous sa barre. Le caméléon à chaque fois. Le caméléon. Il y a la race canine aussi qui est là. Il y a les MC des studios Buzz Lab, Case, Shady Shaka, Nikma. T'as l'habitude maintenant. Ah, c'est fou, hein. Chaque fois, je ne te vois pas arriver, en fait, Jarod. T'as vu? C'est incroyable. Ah, ça va rester comme ça, hein, je crois. C'est dingue, hein. T'es arrivé, je t'ai pas vu arriver. Ouais. Rayonnons. Voilà, on rayonne. Un petit mot, tiens, Jarod, un petit mot sur Swiftgad. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur Swiftgad? Alors Swift, c'est une découverte récente. J'ai découvert quand j'étais au placard cette année parce que son clip passait à la télé. C'était super clip. Jamais avant aussi? Non, jamais avant. Je connaissais pas. Vraiment, bizarrement. Hein, pourtant, je sais que ça fait un moment. Et après, j'ai regardé un peu ce que j'avais loupé. Et ouais, j'aime bien le trip parce que c'est toujours très carré, c'est toujours très propre. Ça travaille en fait et c'est de l'indépendant. Donc je valide à 2000% même. Tu vois. Voilà. Et j'ai kiffé, on a fait un petit titre ensemble. Je sais pas si vous l'avez passé encore, mais Non, ça va venir. Voilà. On va le passer ce soir. On a fait un super titre et on a fait un super clip en Dordogne. Qui va sortir le 1er janvier 2016. Pas mal. Voilà. Donc, la date est arrêtée déjà, 1er janvier 2016. Voilà, le clip arrive. Bon, et toi, Swiftgad, donc un mot sur Jarod, toi tu l'as découvert pareil, t'étais en. Moi je l'ai pas découvert au placard, mais je l'ai découvert pareil il y a un an et demi. Et pareil, j'ai pris une bonne baffe parce que c'était beaucoup de fraîcheur, tu vois. Du rap de quelqu'un qui est très technique et qui se prend pas la tête, qui fait les choses à son rythme, qui calcule pas les autres. Et il avance, il fait son chemin Et beaucoup de gens m'ont dit qu'il fallait qu'on fasse un son ensemble, que notre rap se ressemblait. Et voilà, c'est chose faite et je suis content que ça soit fait. Et les gens, quand le clip va arriver, comprendront. Et on se ressemble aussi un peu physiquement. Voilà. Les gens nous l'ont dit. C'est vrai. Et je rase la barbe lundi. Lui aussi, il avait une barbe. Je l'ai rasé. Ouais. C'est vrai. Attends, je t'ai à peine reconnu. Il a flippé. Ah, c'est parce que j'ai l'air plus jeune sans la barbe. Bon, on est reparti pour une nouvelle session, Swift. Yes. On part sur quoi alors? Tony O. Le projet donc est dans les bacs. On peut y aller. On peut aller cliquer. Vice et Vertu. Vice et Vertu volume 2. Tapez SwiftGat dans YouTube et laissez-vous guider par. Il y a des gens qui nous disaient Google. On trouve sur iTunes, donc on peut trouver. Ah oui, iTunes, toutes les plateformes. Disponible, même c'est dispo sur les Spotify, les Deezer pour les gens qui veulent écouter avant d'acheter, pour les sceptiques. En tout cas, c'est satisfait, mais pas remboursé. J'allais dire satisfait ou remboursé. Alors, on est reparti, une nouvelle session. J'ai des rêves de grandeur autour du poignet, ça sera Big Ben. Survivre en Seine-Saint-Denis deviendra une épreuve des X-Games. Pour eux tous les étés, c'est plage de Koh-Lanta et grosse Benz. Pour toi c'est pas pareil, c'est plutôt Pôle emploi et Pôle dance. La frosse fait mal, mon rap t'a injecté sa dose létale. Faut que tu déposes les armes et que tu bouges ton boule comme une grosse pédale. Mon rap des fois est sombre, lunatique, étranger, cérébral. D'autres fois il est con, suce ma bite et mange tes céréales. Avec demi-portion, c'est tout chi frutti nos limites. Plutôt pension complète et juicy pussy money weed. Les jolies filles et les faux M si se protègent l'orifice. J'mords ton tympan, ça va saigner comme Evander Holyfield. Plus besoin de t'accroupir maintenant, ils peuvent te la mettre debout. Tu veux des blagues racistes, pas dans le club de Jamel Debbouze. Alors on inverse les courbes sur cette planète de fou. Inverse dessous, si tu bicraves du seum en barrette de douce. J'apparais comme un mirage, j'disparais sans qu'on me voit. Sous gars des demi-portions, ça sent la sanction ce soir. C'est pas tout le monde contre moi, non c'est pas blanc contre noir. J'fais mentir le dicton, y'a que les montagnes qui se rencontrent pas. Pire qu'à l'Eurovision, toute ces vapeurs, ça brouille la vue. Après la femme à barbe, j'attends le rappeur à couilles poilues. Je tourne en rond, je plane. Tu peux me jeter le frisbee. Si tu vis d'amour et d'eau fraîche, je vis de haine et de whisky. Dis-moi d'où tu viens toi, quand la passion des boulets s'installe. Stop, dis pas que le monde est cool. Y'a plein de génies qui n'ont pas de tour. Gare à ces gars qui sont stériles, ceux qui veulent raffiner ma prose. J'ai bicarbonate, caféine, j'ai lidocaïne et lactose. Stop, dis pas que le monde est fou, parlez-moi de l'humain, c'est tout. Stop, dis pas que le monde est fou, parle-moi de l'humain, c'est tout. Poser ma voix sur SSL, la survie ou la soumission. Aujourd'hui je suis sur MSN, la mort subit du nourrisson. Alors Swift, pas de soucis, j'aime ça c'est certain. The Artist, allez présentez-moi du jardin, un hors-piste. Pas de thème, ce son est pour mon public. Merci pour votre tenue, moi qui suis timide et pudique. Rachid, on m'a dit continue si ça se complique. Tranquille, et c'est tout ce qu'il retient d'un sudiste. Un accent non ça suffit pas, sûrement trop insuffisant. On a tous un pote ou voir un autre qui avait deux visages. L'apparence devient trop bizarre. Oh, voilà l'image, foncer c'est trop facile. Donc je me suis intéressé aux limaces, Léonidas, mais sans la carrure de Rambo. Je n'ai jamais voulu monter, ce n'est pas mon truc la rando. Pas de repos, hein, ma seule forme d'autorité. Quand on a trop de caractère, est-ce qu'on se doit de le tweeter? Nouvel album dans les bacs, sorti en indépendant. Je porte la voix de tout le monde, des passionnés depuis longtemps. Dis-moi d'où tu viens toi, quand la passion des boulets s'installe. Stop, dis pas que le monde est cool, y'a plein de génies qui n'ont pas de tour. Gare à ces gars qui sont stériles, ceux qui veulent raffiner ma prose. J'ai bicarbonate, caféine, j'ai lidocaïne et lactose. Stop, dis pas que le monde est fou, parlez-moi de l'humain, c'est tout. Stop, dis pas que le monde est fou, parle-moi de l'humain, c'est tout. Poser ma voix sur SSL, la survie ou la soumission. Aujourd'hui, je suis sur MSN, la mort subit du nourrisson. Swift Gad, Jarod, le son s'appelle À l'aise. Écoute ça, ma gueule. Je suis à l'aise comme Fedor sur le ring. Ya ya ya. Les poids, on les fonce des gars, lève ton verre si t'es des notes. un schlag à coup sûr. Attention car ton sang fera des éclaboussures. Pour des petites coupures, si tu fais de l'autotune, pourquoi pas de la couture. Y'a de la haine à ma gauche, y'a de la haine à ma droite. Pas d'argent dans les poches pour l'avenir de mes proches. La France est maladroite. Elle me dit qu'elle est chaude, qu'elle est chatte, qu'elle est chienne. Elle me dit que mon rap pourrait casser des chiennes, qu'elle est sale et vénale et que la cour d'assises pourrait chasser mes rêves. Taf bien et crève, les parents s'amusent et les larbins décèdent. Des parpaings, des hyènes, Adam va brûler le jardin des Delta. T'as vécu entouré mais tu vas crever seul. T'iras toucher des petites comme Dr. Xtable. Elle est folle mon équipe, elle se bat mes casse des gueules. Sans sucer des bites, elle te donne du high level. Fais tourner ton kamaz, goûtons les fleurs du mal. Ce soir je serai dans le gaz, comme le dormeur du Val. Je suis à l'est comme Taylor sur le ring. Je suis à l'ouest, mon gars va sort la tombe. Je suis à l'aise, mon ami sort le jean. Je suis à l'aise, mon ami sort le jean. On est allons, s'allume pour la cause. Je suis avec les potes, on est fonce des gars, va lève ton verre si t'es des no. Gars, va lève ton verre si t'es des no. Je suis avec Nervous, on est posté. On est allons, s'allume pour la cause. Bienveillants s'endorment et les malveillants prospèrent. Aujourd'hui le mot donné c'est synonyme de grosse perte. J'aime ça quand la résine se diffuse dans les brossaires. Demain j'irai poser mon petit cul dans les hautes sphères. Ici les hommes sont pâles, encore un choc frontal. Du coup toi tu te sens bien que quand les autres vont mal. Fais tourner ton kamaz, goûtons les fleurs du mal. Ce soir je serai dans le gaz, comme le dormeur du Val. Peu d'importance pour ceux qui veulent du mal. L'ambiance est hale jusqu'à 6h du mat. Viens prendre ta fessée, viens voir le père Fouettard. Viens pour apprécier le mix des frères Pétard. Marre des steaks et des paquets de pâtes. Ma gueule, il faut qu'on se barre quelque part. Claque cette maille et ne t'inquiète pas. C'est Swift et Jarod qui se tapent des barres. Je suis à l'aise comme Taylor sur le ring. Je suis à l'aise comme Taylor sur le ring. Je suis à l'ouest, mon gars va sort la tombe. Je suis à l'aise, mon ami sort le jean. Je suis à l'aise, mon ami sort le jean. On est à l'on s'allume pour la cause. Je suis avec les potes, on est fonce des gars, va lève ton verre si t'es des no. Gars, va lève ton verre si t'es des no. Je suis avec Nervous, on est posté. On est à l'on s'allume pour la cause. Je suis à l'aise comme Taylor sur le ring. Je suis à l'ouest, mon gars va sort la tombe. Je suis à l'aise, mon ami sort le jean. Je suis à l'aise, mon ami sort le jean. On est allons s'allume pour la cause. Je suis avec les potes, on est fonce des gars, va lève ton verre si t'es des no. Gars, va lève ton verre si t'es des no. Je suis avec Nervous, on est posté. On est allons s'allume pour la cause. C'est la guerre sur Skyrock, ma gueule. Le son s'appelle Fébénave. Aïe. Aïe. Titan, Fébénave. Négro, je suis dans la faune. Je suis dans la zone, négro, c'est pas la gaule. Aïe. C'est la mort ou la tôle. Prenons combien d'état nous fait la peau. Négro, fais le shit, c'est pas le tarot. C'est donc on attend le carto, défense comme un cachot. But de Roberto Baggio, la marche jusqu'à la mort, si la gomme. Maudit soit vos racons. Tu crois qu'on a fini, la tunée sous ses lèvres, crois-tu qu'on est fini? Les épreuves nous mutilent au soin. L'agréable à l'outil à joint. Au quartier, minimum mes frères en moins. Ces femmes avec de l'embonpoint. Je vais me KO, comptez pas les points. Passer dans le vertige, on revient de loin. On s'arrache, ça sent le pétrin. Forcer le barrage en cas de besoin. On meurt, ça sent le pépin. Régime bananier, t'es régi sous pétin. Je suis le gamin qu'à la daronne. On dit toi ce que tu marmonnes. Recouvert de couleur carbone. Ne nous prie pas pour qu'on vous pardonne. C'est vous clasher comme des petits qui pleurent. A chaque fois que je gratte, y'a un MC qui meurt. C'est du lourd, c'est du gras, c'est comme des diriners. Tu rappes comme un enfant, je suis ton babysitter. Si vous les bleppers, c'est nous les chip leaders. C'est du cholestérol, c'est comme les chips Lidl. Un trop majeur pour tes déliminaires. Vos petits clashs de mytho, c'est comme Jerry Springer. Alors rentre chez toi juste avant 18h. Je réponds ma dôme, je suis un fertiliseur. Appelle ta clique et tes copains vides. Je crois que ton prochain tatou, ça sera le dauphin flipper. Et je te casse, me crade comme une taille de liqueur. Ici, ça charbonne pour une taille de mineur. Alors pourquoi tu rappes, tu n'as pas d'auditeur. Ça tape fort dans ton crâne comme un marteau piqueur. Des vis, de calabré, des frises, de karaté, des bras, trouille, caillassé. Ferme ta bouche, caillaté. Fais-moi mes armes et fais-moi t'avancer. Moi, je suis comme une épave posée sur canapé. Tu seras souffre douleur, tu seras sémorskinaire. Tu seras dans les débris d'une vitrine carachée. Fébé là, fébé là, passe-moi la ruine. Fébé là, fébé là, fébé là, passe-moi la ruine. Fébé là, fébé là, un peu sur ta meuf. J'irai fébé là, toujours approchons sous la queue. J'irai fébé là, fébé là. Fébédave un peu sur ta beuh, tu irais fébédave. Toujours approchant sous la queue, tu irais fébédave. Ça porte le bif et bite ce qu'ils ont pas. Ça rap street ma bite du kizomba. Ça lâche des chics, un qui sont pas. Je pisse dans la piscine depuis longtemps. Boy, moi je suis pas venu parler groupie. Moi je suis venu parler ous. Pour les histoires dont se connaît, je vais laisser parler ous. Je rap en direct de Mars. Je n'ai rien d'humain. Je demande à tout le monde, même à ta wife. Je n'ai rien d'humain. Normal que tu me vois trop. Je t'ai mis la tête sous l'eau. Négro, je le beurre tellement lourd qu'il aurait pu être. Sumo. Ramène une corde derrière le mic et je prends ta team. Même s'ils ont tort, c'est pour mes frères que je prends parti. À force de côtoyer les métaux, certains sont des cyborgs. Même les canards évoluent, sont devenus cigognes. Me parle pas de tes bolos, mec, je les connais tous. Et si ta vie est dure, viens, ma drogue est douce. Tu trouveras pas la lumière malgré ta tête dans le boule. T'as plus de boule entre deux chaises, là t'as la chaise dans le boule. Tu vas couler, tu crois nous mener en bateau. Tu racontes que tu roules des pelles, mais tu prends des râteaux. On sait gérer la crise, aller-retour à dame. Ensuite on atteint le carré vide pour monter une dame. Et si je rentre sur le raté, ils veulent me faucher. Kilo de zèbre à la pucée, 10 d'embaucher. C'est les qu'on traîne un passé lourd comme des dossiers. L'histoire est glacée, y'a plus rien à négocier. Passe-moi la weed et Vébéda. Passe-moi la weed et Vébéda. Vébéda, ma peu sur ta meuf. J'irai Vébéda, toujours un cochon sous la queue. J'irai Vébéda. Vébéda, Vébéda. Passe-moi la weed et Vébéda. Vébéda, Vébéda. Passe-moi la weed et Vébéda. Vébéda, ma peu sur ta meuf. J'irai Vébéda, toujours un cochon sous la queue. J'irai Vébéda. Boum, boum. Aïe. C'est Vertu volume 2. C'est dans les bacs, ma gueule. C'est Blix à la prod. C'est Swift Gad à l'instant qui fait bédave. On fait bédave tranquillement. À l'instant, ça aussi c'est un extrait du projet Swift. Ouais, c'est un extrait, on va dire, énergique du projet. Et pareil, on l'a clippé. Et normalement, le clip est censé arriver le 14 décembre. Ah. Pour passer des fêtes. C'est fou parce que toi, t'as des dates précises en fait. Généralement, dans le rap, tu vois, il y a toujours un truc un peu. Non, tout est calculé en avance. Un peu compliqué. On fait rien au hasard. Ça arrive dans quelques semaines, dans quelques jours. Non, toi, moi, tout est programmé. Ouais, tout est programmé. Voilà. Ouais, tout ouais, comme. Donc, comme... par exemple, le 11e projet, il est déjà programmé ou. Ouais, il est déjà programmé. Enfin, il va s'appeler Ceci est mon sang. Mmh. Et il sortira à la rentrée 2016. Voilà. Et rentrée plutôt janvier ou plutôt septembre? Non, plutôt septembre. Plutôt septembre. Le temps de bien faire le truc. Là, ça va être un projet où je vais essentiellement faire que des collaborations, essayer de faire des feats avec que des gens un peu improbables en fait. Voilà, donc je peux déjà citer un son qui est en cours avec Mala et Vald. Ouais. Tu vois, deux personnes qui n'ont rien à voir sur le papier, mais sur un son, ça va. Celui-là, il est fait déjà, il est fait. Non, il n'est pas encore fait. C'est pour ça que j'aime pas trop vendre la mèche, mais il est programmé, il va se faire, et il va être lourd. Il va être très lourd. Et bah très bien, Swift Gad avec nous. Envoyez des messages, balancez des gens qui nous disent pour tout, même Narvalo. Pour toutes mes Narvalis. Enfin du bon son. Passez Excuse My French si c'est pas déjà fait. C'est déjà fait, c'est déjà mon cousin. Heureusement. Ah, t'as raté le début, toi, hein, c'est rodave. Continuez les messages avec le hashtag Skyrock, avec le 41759. Dans une dizaine de minutes maintenant, on va partir sur un gros live. Yes, un gros freestyle avec beaucoup de monde. Mais là, on repart sur une session de trois morceaux. Allez, on va s'écouter trois derniers morceaux extraits du projet, c'est parti. Tonio est au platine. Tonio. Hi. Avec de la bonne bouffe, y'a pas à dire à notre époque, les chaînes en raffolent tous. Vodka, apple, juice, j'aime les rapports fous. J'aime les femmes quand elles sont rock'n'roll, c'est ma drogue tous. Oh, j'oublie pas qu'à la longue ça rend barjo. Ça me fait monter sur les sommets du Kilimanjaro. Ce que je bois c'est bien plus fort que de la menthe à l'eau. Je cherche la liberté avec une prison sans barreau. J'en deviens narvalo, limite perfide. J'finirai peut-être dans mon vomi comme Jimi Hendrix. Juste une soirée qui va finir à midi et demi. L'amour de l'interdit, moi j'ai ce criminel vice. J'ai plus trop de bouteilles. que je me sens minable au réveil. Je me dis que je ferai pas long feu quand je vois tout ce qu'il y a dans mes veines. C'est du whisky coca, c'est pas du Ricard dans mes verres. Je cherche le sommeil, je m'envole comme Ricard dans mes rêves. Ricard dans mes rêves, Ricard dans mes rêves. Ricard dans mes, Ricard dans mes, Ricard dans mes rêves. Ricard dans mes rêves, Ricard dans mes rêves. Je suis trop près du soleil, je m'enflamme comme Ricard dans mes rêves. Je deviens tactile, dur comme un bout de bois. After chez Tanesque, les gens parlent mais ne s'écoutent pas. Je suis pas un con mais quand je me vois ce soir c'est tout comme bulle, fume et flocon. Après 3 grammes les meufs sont toutes bonnes. Trop près du soleil c'est trop fort dans mes écouteurs. Ma prison intérieure a les murs plus épais que des bunkers. Je suis dans tous mes états, je ne sens même plus la douleur. Non je ne sens pas les coups, je vois la vie de toutes les couleurs. Je coule. J'ai plus trop de bouteilles, je me sens minable au réveil. Je me dis que je ferai pas long feu quand je vois tout ce qu'il y a dans mes veines. C'est du whisky coca, c'est pas du Ricard dans mes verres. Je cherche le sommeil, je m'envole comme Ricard dans mes rêves. Ricard dans mes rêves, Ricard dans mes rêves. Ricard dans mes, Ricard dans mes, Ricard dans mes rêves. Ricard dans mes rêves, Ricard dans mes rêves. Je suis trop près du soleil, je m'enflamme comme Ricard dans mes rêves. Je suis un gros zombie sur un plan sale, impensable, un tank rad, plein dans le crâne. Je me retrouve en Colombie sur un transat. Mourront-ils la grande classe? Je danse après la transac. Je suis trop près du soleil, je regarde mes ailes, je vois que ça s'enflamme. Là ça va être caliente si elle me dit je viens d'Espagne. Coca, whisky, MDMA et le sexe devient bestial. Je dangereux et farniente. Vierge Marie, retiens tes larmes. Ce soir y'a toutes les variétés. Alors je me dis que j'ai le choix des armes. Et je vais me la coller sec. Mon esprit sera haut placé dans la boîte. C'est coquille, schneck et je fais du pur à opiacé. Vous inquiétez pas trop les mecs. Mon chemin est tout tracé. C'est pas de la musique d'opérette. Donc mon refrain est fou allié. Je suis trop près du soleil, je m'enflamme comme Icar dans mes rêves. Sombre crétin, pourquoi tu te fais du mal? Un peu de laitue et tu planes. Parce que le fœtus a pris du grade. Là c'est pour toi que j'écris du sale. Clic, clic, tire une balle. Tu connais les couloirs du tribunal. Comme l'écran du Tiercar, t'as pris du star. Tu veux changer de vie, appuie sur star. C'est tous les jours un saut à l'élastique. Tu laisses des traces donc faut passer la spi. Faut te casser de la street, gros fais ça vite. Sinon tu feras la mule qui a des problèmes gastriques. Au quotidien tu joues avec ta vie. La faucheuse t'apprend sa chorégraphie. Tu rêves de bitch et de Maserati. Les profs ont dit que t'allais rater ta vie. Fourmis et merde, profit et perte. Ta maîtresse réclame un collier de perles. Ta vie comme ton flow sont trop linéaires. Protège tes côtes car la police elle erre. Regarde-toi et dis-moi si t'es fier. Tu ne t'endors pas sur de beaux billets verts. Quand tu seras grand tu seras propriétaire. Sombre témoin d'un nouveau millénaire. Miroir, miroir, donne-moi ta vision. Une lueur d'espoir, et à l'horizon. Tu cherches le phare, t'en perds la raison. Miroir, miroir, dis-moi qui croit. Je n'en peux plus, tu veux sortir de ces cauchemars. Et tu pries et tu pleures, tu te tords de douleur. fais le con mais au fond tu t'en fous. Au fond tu t'en fous. T'as déjà fait plus de 400 coups. 400 coups. 400 coups. Tu te retiens pour ne pas que le sang coule. Pas que le sang coule. Je n'ai pas mort, tu sens battre ton pot. Je n'ai pas mort, non. Sombre crétin, tu ne vois plus le monde qui t'entoure. Tu connais bien la branlette qui rend sourd. Tu n'entends rien, tu t'isoles dans ton four. Les circonstances ne font pas de concours. Juste un gueudin qui veut gagner sa croûte. Si t'es tout le temps crevé, comment tracer ta route? Faudrait que tu penses même à lâcher la poudre. Faudrait que t'apprennes à partager ta soupe. En fin de soirée, tu ne tiens plus debout. Tiens plus debout. Tu brûles ta vie souvent par les deux bouts. Parler debout. Tu connais rien, tu veux parler de tout. Tu finiras par te casser le cou, casser le cou, casser le cou. Miroir, miroir, donne-moi ta vision. Une lueur d'espoir, est à l'horizon. Tu cherches le phare, tu perds la raison. Et tu te sens seul ici bas. Et tu te sens seul ici bas. Vous êtes avec Swift Gad. Toujours la couleur des parpaings direct, moi je te mets au parfum. C'est du soir au matin, Paris, Mont Havre de Péco Martin. Chérie, je vais t'écartier latin. On va descendre des tonnes de pintes. On va faire un petit tour Eiffel et visiter des gorges 5. Glisser sur la coulée verte. On va se réchauffer la papy. Viens voir ce que j'ai dans le Panthéon. Viens pour gober ma Bastille. J'abuse en voile, si j'en fais trop, c'est le marcadet des soucis. Moi j'excelle man, tu veux me barbesse, donc je te dirai pas merci. Moi je suis pas duplex, pourtant je reste là comme un Concorde. À la Notre-Dame, parce que je t'apporte. Porte un autre son de cloche, le temple est Clémenceau, les stores s'abaissent, les roses fanent. Je deviens Miro Ménil, je perds la chaise, c'est Haussmann. Je place de la pyramide avec des icônes maçonniques. Moi je suis un charronard, alors il faut que je me fashion week. Faut que je rentre au Bergkamp, faudrait que je rentre buteau. Que je reste dans ma brochure, parce que dans ces artères je me sens plus chaud. Il fait beau pour, on voit des acrobates qui marchent sur les mains. Sur le faubourg, je vois des graveurs qui télégraphent sur les trains. Ils nous tiennent comme des pantins, on va les choquer enfin. Moi je suis monté dans leur estime, je descends à Chaussée d'Antin. Ce soir je bois de Vincennes, j'arrive à bois de Boulogne. Cherche un plan cul funiculaire, quelque chose qui vaille la couronne. C'est comme un grand contraste à Saint-Germain. Les plans sont jazz validés sur les invalides. Paris, c'est pas une chanson de Zaz. Paris, Paris, Paris, Paris. Paris, mon amour. Paris, Paris, Paris, Paris. Paris, ma chérie. Paris, garçon Lazare. Paris, gars, mon Paris. Moi je rêvais plus grand, avoir des palpitations cardiaques. Paris gare Saint-Lazare, Paris gare Montparnasse. Moi je rêvais plus grand, avoir des palpitations cardiaques. C'est la gaieté à Bernetti, on se croirait dans un village frère. Des fois l'ambiance est Austerlitz, on voit partout des visages ternes. À l'Olympiade c'est pour une livraison express. Tout le monde fait son petit commerce, à cet endroit comme à Anvers. Le tunnel du métro a des allures de cancer du côlon. Je m'installe une grade à l'aise, je roule un stick et puis je me bute Chaumont. Je fume la sconcrue de la pompe et dans le parc j'ai puis 11. La place Vendôme est sur la montre comme une marque de triomphe. T'as du Courcelles, serre-moi un verre et puis je te lâche à pelle. Si t'as de la Coco Chanel, sache que je préfère le cacharelle. Pour eux t'es juste une vache à lait, la fourmi deviendra cigale. Je couche avec les filles du calvaire, je danse avec les filles de Pigalle. Des fois j'en ai marre et chier, c'est quoi toujours la ville rêvée. Je me dis que la vie est belle ville et puis qu'ailleurs c'est Pyrénées. Les souvenirs que je t'ai achetés ne proviennent pas du BHV. Grand-mère sait faire du bon café. Paris fait du bon THC. Ça sera différent même si tu reviens un milliard de fois. L'été c'est pic de pollution. Le reste du temps écaille de froid. Bonne nouvelle sur les grands boulevards. Flicaille le jour, flicaille le soir. Paris tu vois des gens tout part. Des Louis Blanc, des Richard Lenoir. Course poursuite à Châtelet. T'en fais des cauchemars éveillés. Un son d'enfer tu hoches la tête. Car ça c'est mon art et métier. Je me sens pas fort comme du rock. Je me sens encore bizarre. Paris c'est des grands corps malades qui remplissent les corbillards. Paris, Paris, Paris, Paris. Paris, mon amour. Paris, Paris, Paris, Paris. Paris, ma chérie. Paris, gare Saint-Lazare. Paris, gare Montparnasse. Moi, je rêvais plus grand, avoir des palpitations cardiaques. Paris gare Saint-Lazare, Paris gare Montparnasse. Moi je veux rêver plus grand, avoir des palpitations cardiaques. Lorsqu'une correspondance lui fait emprunter le métro sur pneu, il peut, au milieu de couleurs reposantes, claires et délicates, trouver dans le silence presque total une zone de détente précieuse qui le fait échapper au rythme fiévreux de la vie parisienne. La Nocturne, avec Swiftgad au contrôle. Un morceau qu'on trouve hein, d'ailleurs sur le projet. Ouais, Paris mon amour, et sur le projet Vice et Vertu volume 2. C'est dans les bacs, qu'on peut aller cliquer dès maintenant aussi. Hein. N'hésitez pas à aller voir Swiftgad avec nous. Swift, est-ce que tu es prêt maintenant? Ok, on est chaud, on est prêt. On va se faire un petit freestyle, on va faire des petits sons en live. Et qui est en live avec toi alors? Eh ben écoute, on va les citer un par un. Hein. Déjà, on va commencer par La Race Canine. J'en parlais tout à l'heure, c'est un groupe de jeunes très prometteurs. Vous allez sûrement entendre parler d'eux dans le futur. Donc on est avec Nusky et Rob D. Il y a Jarod qui est dans les studios. Il y a l'original Tonio. Il y a les MC des studios Buzz Lab, JK's, Shady Shaka, Likma. Il y a Titan qui est à mes côtés, toujours avec Wam, que ce soit sur les sons comme sur scène. Sur scène d'ailleurs, t'as des dates à annoncer ou pas Swift? On peut t'en trouver quelque part? Bah la prochaine date parisienne, c'est le 5 décembre. C'est la semaine prochaine. Ouais, samedi. C'est au complexe 1353. C'est ça le nom de la salle, le complexe 1353. Et voilà, si vous avez kiffé ce soir et que vous découvrez le son, n'hésitez pas à venir voir ça en live samedi 5 décembre au complexe 1353. Et ben on attaque, c'est Tonio qu'on voit ou c'est moi en premier? Bah c'est Tonio qui va commencer. Hein. Ah ouais. Allez, c'est parti. C'est parti. Aïe aïe, c'est Swiftgad. Yo, ça fait aïe. C'est les flammes de l'enfer qui font fondre la glace. Écoute, ah c'est le son de la cage. J'ai trop l'habitude d'être au fond de la classe. Ils sont tellement pétés qu'ils me font de la place. Viens voir, ils sont que le pion de la face. Flot de rapace, con de ta race. Une basse, une batte et puis on te tabasse. Il faut que tu me laisses rugir comme un lion de la classe. Sors le champagne, sors les tapas. Petit à petit voir se former ma liasse. Sors les tampax, ça va saigner. Je vis ma vie car dehors le temps passe. J'ai des fantasmes, ça va payer. Maman c'est ton fils qui passe à la télé. Viens me voir en face si tu joues le fêlé. Venez à deux, je mets des doubles peinés. Y'aura personne pour me freiner. Trésor public, vous me les paierez. Couille de taureau, coup de bélier. Sur ma bite les langues vont toutes se délier. Plus de mystère, brûle séché qu'il y a des tubes de l'hiver et des tubes de l'été. Non tu connais pas Swift, c'est un truc de fêlé. Et tu bouges, tu remues ce fessier. Bon chic et du bon genre, du bon shit et du bon champ, c'est du bon Swift. Bon sang, c'est la consigne, sois inconscient. Bonsoir mesdames et messieurs, mon son déclame c'est les vieux. Et ça brille et ça pète les yeux. Est-ce que c'est pas merveilleux? Bon chic et du bon genre, du bon shit et du bon champ, du bon Swift. Bon sang, c'est la consigne, sois inconscient. Bonsoir mesdames et messieurs, mon son déclame c'est les vieux. Et ça brille et ça pète les yeux. Est-ce que c'est pas merveilleux? Aïe, on enchaîne. Ça se passe sur la Nocturne, c'est Swiftgad. Aïe. C'est Blix à la prod. Le son s'appelle Chinese Coffee. Parce qu'on est tous un peu chinois. Même si t'as la gueule de travers, réveille à 5h du matin. Jamais trop tôt pour faire des affaires, hey. Car c'est bien mieux que de faire le tapin. Tu dis que la souffrance est nécessaire. Sur le chantier, soulève des parpaings. Voir les sourires de tes sœurs et frères. Ramener des cadeaux sous le sapin. Travaille à la sueur de ton front pour un salaire de galérien. L'intérieur de ton frigidaire, c'est un désert de chips aériens. Au fond de toi, tu dis que ça fait rien, que ça fait mal, mais que ça va passer. Et tu fais comme si tout allait bien. Tu dis qu'il ne faut pas se fracasser. Un emploi du temps harassant. Tu cours sans cesse, ciel oseille devant 15 mètres carrés dans le 9. 300, tu ne vois même plus le soleil levant. Tu te sens déjà affaibli. Tes deux mains sont tachées de sang. À force de côtoyer la Zermie, à 25 ans, toi t'as les cheveux blancs. Et tu vois passer le temps. Et tu vois passer le temps. Les anciens t'avaient averti. Tu feras rien d'autre que brasser le vent. T'es entre le petit et le grand. T'es entre le noir et le blanc. Un verre, deux verres, trois verres de whisky. À la fin, tu t'es noyé dedans. Aïe. Tous les jours le même combat. Bah. Le rose au plis, mais ne rompt pas. Pas. Y'a pas de haut, y'a que des bas, bas. Tout peut voler en éclats. Et tu vois, passer le temps. Et tu vois, passer le temps. Et tu vois, passer le temps. et tu vois passer le temps. Au fond de toi tu dis que t'es foutu, au fond de toi tu dis que t'es du père. T'as oublié toutes les coutumes et même toutes les dates d'anniversaire. Tu connais le destin, c'est coup dur et c'est longue marche en solitaire. Tu connais le DF, c'est coupure, l'obscurité, le froid de l'hiver. Mais musicalement tu connais rien, tu joues sur la corde sensible. Tu te souviens que tu viens de loin, t'as bien connu les zones de transit. Lève la tête, ferme le poing, demain tu vogues dans des eaux tranquilles. Tu sors ton feu, tu pètes le joint, tu restes là, tu restes authentique. Et tu vois passer le train, et tu vois passer le train. Au quotidien c'est trop difficile, tu dois te fighter pour acheter le pain. Souviens-toi ce que dit ton voisin, tu t'en sortiras Inch'Allah. Mais pour l'instant c'est le bord du ravin, la déco c'est Made in China. Tous les jours le même combat, pas le rose aux plumes et ne rompt pas, pas. Y'a pas de haut, y'a que des bas, bas. Tout peut voler en éclats, et tu vois passer le temps, et tu vois passer le temps, et tu vois passer le temps, et tu vois passer le temps. Ça va chier, ça va chier. On continue, Tony, on continue. Bang! Oui. Aïe! C'est Swift God, ma gueule. Fais bédame. Ouh! Fais bédame un peu sur ta bœuf. Ça fait. Toujours cette même rengaine. Ce mal qui tape dans ma tête. Je me dis que la vie est belle. On y va, ma gueule. Choisis tes armes, choisis ta mort. Il est trop tard, c'est la panique à bord. Mais les Ray-Ban, Aviator, cacher les larmes, ça c'est ma vie hardcore. Moi au départ, j'étais pas trop d'accord. Je voulais prendre ma part pendant que ça collabore. D'abord, poser sa forme. Moi je suis le toréador que les paumés adorent. Je sais que j'ai tort, mais je pète les plombs. Car mon seul exutoire, c'est de faire des sons. Je fais des mauvais tours à ma perception. Approcher un jour la vraie perfection. Nous on se mange des coups de pression. Si t'écoutes les mauvais, faut que t'écoutes les bons. Toutes les secondes, les couplets tombent. Y'a que des fous et des cons, il faut que je coupe les ponts. Mais où est-on? Où est-on? Béton, bulle d'air, pollution. Rap vulgaire et production, adultère et corruption. Mais où est-on? Où est-on? Fini le temps des solutions. Un peu partout ça pète la vie, ça rime avec révolution. Toujours cette même rengaine. Ce mal qui tape dans ma tête. Je me dis que la vie est belle et que les gens ne sont pas prêts. Pourquoi, pourquoi? J'ai autant de choses dans la tête. Ça part en beauté. Aïe aïe aïe. Et puis un jour tout s'arrête. Une larme au sol pour les ancêtres. Une arme de poing pour les grands traîtres. On y arrivera demain. Toujours cet objectif qui reste en tête. Mon âme qui erre en paix, qui traverse les courants, les tempêtes. La coupe est vraiment pleine. Donc tenir debout c'est l'essentiel. Dernier moment, dernier soupir. Peine et souffrir, c'est mes souvenirs. Pour masquer la misère, faire des sourires. Sors les outils et puis baisse les soucis. J'étais tout petit, je voulais bouffer le monde. J'ai voulu monter haut mais j'ai touché le fond. J'ai pas compté sur les autres pour me bouger le fion. T'as l'autorisation, tu peux pousser le son. Où est-on? Où est-on? Bavure, système, génocide. Tout ce que je consomme est nocif. Violence à son paroxysme. Mais où est-on? Où est-on? Police, crise et déficit. Homicide et délit de fuite. Tous au bord du précipice. Toujours cette même rengaine. Ce mal qui tape dans ma tête. Je me dis que la vie est belle et que les gens ne sont pas prêts. Pourquoi, pourquoi j'ai autant de choses dans la tête. Ça part en beauté et puis un jour tout s'arrête. Tout s'arrête, ma gueule. Oh. Aïe. Est-ce que vous êtes là? Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. 3, 4 grammes, piqué, piqué dans le bras. Amstram, gramme, j'kiffe, kiffe trop les femmes. Bourré, bourré, ratatine, et les tapours et m'assassiner. Si tu voulais me carabiner, j'ai des couplets barbares. Toucher, couler, la vie, la mort, c'est dur de faire le choix. Sous le pont d'Avignon, Bonny crève de froid, maman, les petits bateaux. Derrière eux, y'a comme une marée noire. C'est tellement pollué chez moi qu'on ne peut même plus voir d'étoiles. On voit de la maille partout, pourtant on en a pas tous. Boucle d'or, fais du porno, vas-y, demande à papa ours. Ici, c'est la mort ou la bourse. Sur un plateau d'argent, voici voici nos vices. Y'a un fusil à pompe caché dans le sac à main de Marie Poppins. Pas de demi-mesure, dans mon histoire c'est tout rien. Fini les souliers crottés, Cendrillon veut des loups boutins. La vie en rose, vire au gris comme les façades des Toulousains. Même la belle au bois de Boulogne dort avec un flingue sous le coussin. Cousin, arrête les rêves car la princesse n'est plus pucelle. Kirikou, fais-moi le vaillant devant le décalage culturel. Alice au pays des horreurs s'est fait violer dans une ruelle. Pirouette, cacahuète n'est pas couvert par sa mutuelle. Rapport conflictuel, on préfère chercher l'ivresse. Le lapin trop pressé s'est fait serrer pour un excès de vitesse. Kader Roussel à trois maîtresses qui n'ont ni charme ni politesse. On les voit dans des clips de rap qui conditionnent des colis de cesse. Pa-da-pa-pa-pa-pa-ya, c'est comme un jeu d'enfant. Pa-da-pa-pa-pa-pa-ya, moi j'ai la beuh dansant. Pa-da-pa-pa-pa-ya, c'est comme un jeu d'enfant. Pa-da-pa-pa-pa-ya, moi j'ai la beuh dans le sang. Moi j'ai de la beuh dans le sang. J'ai pas les cheveux dans le vent. Moi j'ai de la beuh dans le sang. Ma gueule, aïe. Énervé. On enchaîne. Ça va Jarod? Ouais, on est là. On est Al sur Sky. Toujours Al. C'est la nocturne. Criminogène. Big up up Crimo. Oui oui. Crimo. Crimo. Crimo. Pense à toi Crimo. Toi qui es dans ta voiture, détends-toi. Toi qui es dans ton lit, détends-toi. À l'aise. À l'aise. Yeah. Je suis à l'aise comme Fedor sur le ring. Je suis à l'ouest, mon gars va sors la dope, sors la dope. Je suis à l'aise, mon ami sors le jean, sors le jean. On est à l'eau, s'allume pour la cause, pour la cause. Je suis avec les potes, on est fonce des gars, lève ton verre, c'était les nôtres. Je suis avec Nervous, on est posté. On est à l'eau, s'allume pour la cause. Mon gros, pull up mon gros, parce qu'il y a Jarod qui est là et j'aimerais bien entendre ce refrain parce qu'il faut que les gens ils le retiennent. Ce refrain est un tube, ce refrain va être dans ta tête. À partir du 1er janvier 2016, ce refrain est en toi, ce refrain t'accompagne du soir au matin. Le clip tu arrive. Tu te réveilles avec ce refrain, tu t'endors avec ce refrain. Tu bouillaves aussi. Tu bouillaves avec ce refrain. Oh. Ton enfant s'appellera à l'aise. Jarod, Swift, je ne sais pas, mais ce son va être quelque chose pour toi. Aïe, c'est Swift de gars. On laisse jamais te faire. Je suis à l'aise comme Fedor sur le ring. Je suis à l'ouest, mon gars va sors la dope, sors la dope, dope. Je suis à l'aise, mon ami sors le jean, sors le jean. On est à l'on s'allume pour la cause, pour la cause. Je suis avec les potes, on est fonce des. Gava lève ton verre si t'es des nôtres. Gava lève ton verre si t'es des nôtres. J'suis avec Nervous, on est posté. Aïe. On est à l'ensemble. Tu te dis que le Swift c'est un schlag à coup sûr. Attention car ton sang fera des éclaboussures. Pour des petites coupures, si tu fais de l'autotune, pourquoi pas de la couture. Y'a de la haine à ma gauche, y'a de la haine à ma droite. Pas d'argent dans les poches pour l'avenir de mes proches. La France est maladroite, elle me dit qu'elle est chaude, qu'elle est chatte, qu'elle est chienne. Elle me dit que mon rap pourrait casser des chaînes. Qu'elle est sale et vénale et que la cour d'assises pourrait chasser mes rêves. T'as vu un écrève, les parrains s'amusent et les larbins décèdent. Des parpaings des hyènes, Adam va brûler le jardin des dettes. T'as vécu entouré mais tu vas crever seul. T'iras toucher des petites comme Dr. Extable. Elle est folle mon équipe, elle se parle mais casse des gueules. Sans sucer des bites, elle te donne du high level. Fais tourner ton kamaz, goûtons les fleurs du mal. Ce soir je serai dans le gaz, comme le dormeur du Val. Je suis à l'aise comme Pélan sur le ring. Je suis à l'ouest mon gars va sors la dos. Sors la dos. Je suis à l'aise mon ami sors le jean. Sors le jean. On est à l'on s'allume pour la cause, pour la cause. Je suis avec les potes, on est fonce des. Gava lève ton verre si t'es des nôtres. Gava lève ton verre si t'es des nôtres. Je suis avec Nervous, on est posté. Aïe. On est à l'on s'allume pour la cause. Les bienveillants s'endorment et les malveillants prospèrent. Aujourd'hui le mot donné c'est synonyme de grosse perte. J'aime ça quand la résine se diffuse dans les vaussaires. Demain j'irai poser mon petit cul dans les hautes sphères. Ici les hommes sont pâles, prêts pour un choc frontal. Du coup toi tu te sens bien que quand les autres vont mal. Fais tourner ton kamaz, goûtons les fleurs du mal. Ce soir je serai dans le gaz, comme le dormeur du Val. Peu d'importance pour ceux qui me veulent du mal. L'ambiance est hale jusqu'à 6h du mat. Viens prendre ta pété, viens voir le père Fouettard. Viens pour apprécier le mix des frères Pétard. Marre des steaks et des paquets de pâtes. Ma gueule, il faut qu'on se barre quelque part. Claque cette maille et ne t'inquiète pas, car c'est Swift et Jarod qui se tapent des barres. Aïe. J'suis à l'aise comme Fedor sur le ring. J'suis à l'ouest, mon gars, va sors la dope, sors la dope. J'suis à l'aise, mon ami, sors le G. J'suis à l'aise, mon ami, sors le G. On est allons, s'allume pour la cause. Ya ya. J'suis avec les potes, on les fonce des gars, va lève ton verre si t'es des nôtres, t'es des nôtres. J'suis avec Nervous, on est posté. On est allons, s'allume pour la cause. J'suis à l'aise comme Fedor sur le ring. J'suis à l'ouest, mon gars, va sors la dope, sors la dope. J'suis à l'aise, mon ami, sors le jean. On est allons, s'allume pour la cause. Pour la cause. J'suis avec les potes, on les fonce des gars, va lève ton verre si t'es des nôtres. Si t'es des nôtres. J'suis avec Nervous, on est posté. On est allons, s'allume pour la cause. Aïe. Bang, bang, bang, si, bang, si, bang. Si, Jarod. Merci, mon gros. Bye, ma gueule. Merci à toi, mon refrain. Aïe. L'original Tonio, es-tu dans les studios? Ouais, on est là. Allez, ça viens, ma gueule, que la France te découvre, que la France te connaisse. Ça va chier. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais. Si, si. L'original Tonio, ça fait quoi? Y'en a qui font du son pas grave, mais moi le devoir m'appelle. Je te parle d'un truc plus important que l'histoire de Charles Martel. Moi j'aime pas trop la couleur bleue, appelle-moi Gargamel. On va retrouver ton cadavre dans le jardin comme Vibes Cartel. Tous les matins je me frotte les yeux, c'est parce que je vois tant de machins. Aïe, ça sent le sapin. Pour faire un homme heureux, mettez-lui 2 grammes dans le tarin. Tu crois atteindre les yeux en te mettant 2 doigts dans le vagin. Mesdames et messieurs, je vous présente l'ego sans trip. Et mes gosses en pile et dans le peur à les faux sans pif. Mais c'est quoi la réussite? C'est pute de luxe et coke dans le pif. Pour moi la réussite, je m'en bats les couilles, je pars en impro. Parce que celle-ci c'est pour mes ro. C'est pour l'original Tony O. C'est pour Titan à côté de moi, Ménard, Valo de la Croix de Chaveau. On est sur Skyrock. Espoir. Il alcaline. Et j'en place une aussi pour les jeunes de la race canine. Aïe. Wow. Flac de sens. On a du son dans la tête, du son dans la tête. Money. On laisse des traces de sang. On a du plomb dans la veine, du plomb dans la veine. J'rappe dans une flaque de sens. J'rappe dans une flaque de sens. Du son dans la tête. L'original Tonio. Ouvre tes oreilles, j'ai que la qualité pour des positions. 15 ans d'amour avec ma plume, on a pratiqué toutes les positions. Vlak est la couche d'un skud, malgré le parcours bien jeune. Une rime vénère fait plus de dégâts que la cartouche d'un gun. 7-8, et long cours, septise, méchant 12. La France en otage, j'appelle la Ingrid Bétancourt. Ça marque une pause pour que les nuques se réparent. Vrai peura que les feux faillent, les eunuques dégagent. Je m'en branle qu'on légalise ma weed. Je veux que les racistes balisent. J'ai le flow qui traumate la pide marine. Amateur de produits genre Ketamar. À la recherche de l'harmonie dans le décalage. Tel un chirurgien j'opère à vif. Ma lame va décapiter ce qui vous sert de tête d'affiche. Swift Gun. Oh ma gueule, c'est vert du volume 2. Man is the dog à la prod, mon vieux. Si, si, ma gueule. Oui, oui. Du plomb dans la veine. Je rappe dans une flaque de sang. Je rappe dans une flaque de sang. Du son dans la tête. On laisse des traces de sang. Aïe. Plomb dans la veine. Du plomb dans la veine. Je rappe dans une flaque de sang. Je rappe dans une flaque de sang. Ok, y'a des MC dans la salle ou quoi? La rasca. La rasca. Les mecs de Buzz Lab, j'appelle tout le monde. Ok. Une petite prod de Mob Deep, en plus c'est tellement chaud. Vas-y, je commence. Aïe. Yo yo, ça fait. Yo yo. L'encre a coulé sous les ponts, je nettoie mon abyssal. Moi j'ai tellement touché le fond, je suis comme ce poisson abyssal. J'ai mon cerveau, mes 10 doigts, je compte les mettre en valeur. Depuis que j'ai brisé ce miroir, je compte les 7 ans de malheur. C'est le rebais de l'apéro, amigo, je sais que c'est ça que t'adores. Je te refais la déco, mais je remplace Damido par Dark Vador. Une attraction pour les stupes, toujours collé à ton derche. À part ta mère, c'est toutes des putes, mais tu connais pas ton père. La tête est troublée, l'aiguille s'apprête à trouer la veine. Tu cherches quelqu'un, t'auras plus de mal pour te trouver toi-même. Moi je veux une femme à lunettes, avec un cul d'opticienne. Big up à Inch'Al Tarba pour les instruments. Je vois de la fesse à perte de vue. Elle a le dos tellement cambré qu'elle se gratte la tête avec le cul. Je suis dans l'export-import et je vis à Ripa. J'essaie d'être un peu moins fort, mais je n'y arrive pas. Bang. Tu connais les bails, ma gueule, yeah. On est bientôt numéro 1 sur l'étal. On ment sur moi tous les jours, mais pas ça m'a pas rendu pâle. Tu perds ton temps, poteau, je suis comme Néo, je vais skier les balles. Challenger, je suis en train de témoin sur Paris, c'est ça les bails. On a grandi en chien depuis 2004, on a la dalle. On a fait quelques détours par la promenade et la barre. Toujours dans les plans les plus foireux, tous diplômés en salle. La rue s'est mise à poil devant moi, donc maintenant j'ai la barre. Gava, c'est ça les bails, faut faire des tunicailles. Si j't'allume en vélo, c'est juste parce que t'es une pédale. Bande de michto mitoman, je vais vous montrer ce que c'est de la frappe. Et je retourne jamais ma veste sur ce coup là, je suis comme à Botal. Ouais, les gars, je frappe dur, mais c'est ce que vous méritez. J'ai jamais su, c'est jamais balancé, c'est la vérité. Pas peur de me faire des ennemis, j'ai plus d'amis en tôle. Quand tu changes de coin, tu changes de ton gaba, tu joues des rôles. Tu sais très bien qu'on est connu dans Beriz, mon gaba. Pourquoi tu balises 75019, on t'allume, salut belle et qu'on arrive, c'est pas pour galerie qu'on fait ça. Quête ma semelle, tu vas perdre. Y'a peu que tu plantes dans la cabeça, que les rapides disent que c'est terrible. Et je suis un jeune boss, jeune boss. Je roule avec des jeunes boss, jeune boss. Je m'entends qu'avec un jeune boss, jeune boss. Anti-SS comme Rick Ross, Rick Ross. Mon gars, je suis un jeune boss, jeune boss. J'ai la dégaine d'un jeune boss, jeune boss. Big up à tous mes jeunes boss, jeune boss. Qu'arrête pas sur un coup de crosse, coup de crosse. Ah, yeah. J'ai le sourire du Joker quand le boss m'appelle. Ce soir, je recompte mon bénéf, je noie ma peine quand je la ken. Belvédère dans le sang, amnésia dans la DN. J'ai tenu le bitume comme une paire de DN. Je veux pas finir comme le petit Daniel. Ils sont pas prêts pour la guerre, s'il y a des batailles, gagnez-les. J'assure les frères en taux, je laisse pas sonner mon bigot. La gentillesse un défaut, y'aura plus de match amico. Bel éclat comptabilité. Sur un booster le type par milité. Garros gang, yeah. On a qui d'autre? On a Sean. On a du kicker ou pas? Yeah, yeah. C'est la nocturne. Oulala, que du classique. Putain d'enfoiré, dédicace à vous snare. Yeah. Poursuivre de garde. Yeah. Yeah. Tiens, tiens, ils sortent leur calibre, oui. Hein. C'est poursuivre de garde. C'est vertu, RK9. Oui, oui, oui, oui, oui, j'entends tir. Ouais, ils sortent leur calibre. Moi j'essaie de marcher droit et de garder mon équilibre. Mais je suis libre, ah, personne pourra m'arrêter. J'avance comme I. Bras, je te dis, je vais casser des rotules avec ta bande de bras cassés. Dis-moi ce que vous comptez faire. J'ai appris que la vie a un prix et que ça peut nous coûter cher, gros. Je suis embarrassé, marre de débarrasser. Le plancher dedans débarraché. J'attends juste ma bouffée d'air, j'ai lâché. Crise avant de me faire électrocuter. Je bois le rhum cul sec, je vois des gosses sucer. T'as des boîtes suspectes, mais les gosses succès, oui. Oui, c'est la crise, on t'écrase quand t'es trop crazy. Mais je prie et je vais crier, mes faces plus fort que Jay-Z. J'hésite souvent, j'ai dit tout en rappant. Mais dites pourtant j'avance et toi t'esquives tout le temps ta bande. Respire, attends, je sens la pesanteur. Sans plaisanter, j'aime présenter. Reste en tête comme de la puce en feu, oui. Ça, c'est juste pour ma RK9. Oui, c'est de l'impro, on arrive et on baisse ta meuf. Non, c'est saoulé, après j'appuie une esquisse. Oui, je rebalance deux de celle-là, c'est pour ne ski. Oh, on a plus d'ennemis. Frère, on dans le game, on a plus d'ennemis. Et vu qu'on est dans le game, on a plus d'ennemis. Ils ont toujours plus d'ennemis. Depuis qu'on est dans le game, on a plus d'ennemis. Mais ça rappe mieux qu'eux, même en dyslexique. Et ils pensent à nous quand ils sucent des bites. On n'est pas la prouesse, on a plus 13 pistes. Jamais. Tu crois que t'es fort comme un super flic? Non. Mais tu sais que la vie, ça va super vite. On t'a planté dans le dos, maintenant tu te méfies. T'as quitté l'école pour les putes et le shit. J'aime pas les folas et je suis sûr qu'ils savent. Ça me fait des guilis quand je vois qu'ils taffent. Ils font que des sons de merde, ça veut parler sur moi. Tu fais quoi dans le peur si tu vends des sans meuges? Ils sont vous en fin de mois, comme dirait Boala. J'ai fait de la merde et c'est irréparable. Avant j'avais une meuf, maintenant elle a un mec. J'espère qu'elle pense à moi pendant qu'il est pas là. Y'a des journées on se dit qu'on a vraiment plus de chat. On casse des bois en roulant un joint de shit. Suis dans la putain d'arène comme la putain de vachette. Attends, brouh, brouh, même ta copine a matché. Ok, on fait pas trop les choses à moitié. Non. Venez, venez, venez, je vais vous mettre tiens. Frérot, on n'aime pas les menteurs. Surtout ceux qui jouent les Tony Montana. Bang! Canel. Un seul. Hustler. Buzz Lab. CC. Un. Chuck. C'est nous les best hustle, chaque cachet dit un seul. Mes organes répondront de mes actes dans mon linceul. J'suis fier et pas qu'un peu, négro je n'ai peur d'aucun d'eux. Toujours un qui sert d'exemple donc on va choquer l'un d'eux. C'est loin mais je pense à main d'eux. Je veux pas être une main d'œuvre. L'Afrique est meurtrie mais combien d'Africains œuvrent. On fait kiffer ta sorte petit rageux. Ah ouais t'es plutôt comme les fils de pute. Tu passes aux aveux. Je laisse mes problèmes à Dieu. Je m'occupe des solutions. Quel exemple à donner. Moi-même je suis dans la corruption. Fais du bif, pèse. On suivra dans ta révolution. Wesh wesh voilà. Quelques problèmes d'élocution. Tous demandent pardon. Combien j'en ferai danser sous sommation. Lorsqu'on est sur scène, clôt le chapitre sous les ovations. Je prie pour mes reuses. La veille le jour du voyage. Est-ce le bon choix? La veille le jour de ton mariage. Mais Renoir fraise, fraiseur avec ou sans tissage. Garde un œil sur les femmes, t'approche pas du sorcier du village. Vis ma vie en image, on dit mat la donne dans le virage. La stupide russe, jouer sur un tour de pierre. Russell. Fruit d'un qui a tête de shit, nigga. Ouais, ouais. Et les refrains, Russell. Whisky shit avec ma clique. Ça fait 1, 2, yo. En vrai, je cherche la rime profonde, un peu comme un spéléo. J'inscris mes mots dans ta stéréo sans jamais toucher le fond. L'instru est lourd, tout s'effondre, ou court, tout s'effoue. Ça fait mal, les forces de l'ordre t'obligent à tous efforts. Comment tu veux que je m'en sorte sans effort? Je ferai tout pour te mettre d'accord. J'ai le seum quand j'ai tort. Réussir, c'est dans mes cordes, comme mes adversaires. Plus rien me choque, pas même une nonne qui fume du crack à Vincennes. Saoulé d'être statique, je suis venu kicker ça dans le rap comme une chaise électrique. Au milieu d'un Ikea, atteindre mon idéal sans vice ou désir viscéral. L'envie d'en vivre, d'enivrer ma rime sans délire. Les misérables, ouais j'esquive le mal. Respire le rap par mes lettrages. Inspire mon art, nos mémoires pour y laisser des traces. Par mes trames, j'entame la connexion. J'ai donné le son, bois mes paroles. Si t'as soif de connaissance, original Tonio Swift God. Oui oui. Vice et vertu 2. Ouais. Jade. Yeah. We got London on the track. 75, tu connais les bails ma gueule, tu connais les bails ma salope. Hein, ok, check, check, check, check, yeah. L'art a vu une machine Afrique. Prends les thunes et barre-toi bien vite. On raconte ab de la merde aux petits. On fait des trucs qui sont interdits. Pas pour la gloire mais pour le pécule. Arrivant tu sors de ta bulle. Gava t'as tellement c'est pouta. Même plus de brava hamdoulila. Tant que tu recules ça va. Les schmitt ont pété ma paye. Les haineux ont pété la taille. Malish j'ai plus de thunes que la veille. Malish, malish, malish. C'est toujours fin que ton rap de lance-balle. Les grosses caves poussent s'en sortiront pas. Tu crois que je t'ai oublié, je pense à toi. J'avais juste 2-3 trucs à régler avant. Juste avant de mettre les gavants. J'arrête d'énerve vous son j'ta à bon. Toujours hal pour un vrai plafond. Tu fais le chelou, tu prends des coups. Peut-être des balles, pas de Savastano chez nous. Ramène ta beuh, y'a pas de galère. Et tes cales de spic comme de la S non picou. Ça piquette fort dans la cave. Mes gars me répètent une phrase car ils savent. J'arrête, lâche pas l'affaire, t'es un brave. Non, à part la mort rien n'est grave. J'mets les gants lorsque cas, j'monte sur le scout. J'dis cave, les chemises, j'arrose et j'n'achave. Yeah. 75. J'veux la meilleure des bitches, porter du lanvin. Faire grossir ma liasse et sans penser au lendemain. Autoroute de 40. J'veux pas d'une pute câline. Ambition de caïd. Grossir dans la cocaïne. On va régler ça cette année. Refrais j'ai tant donné. Les putes seront pardonnées. Prends ma main, je vais m'envoler. Le temps passe, je me rends compte que même les vrais potos s'éloignent. Que demain c'est loin, car parmi eux y'a des pookies qui témoignent. Mais hey, je me suis fait seul. Je dois rien à personne, y'en a pas un qui m'impressionne. J'étais pas là si on te questionne. Ce soir, je suis à l'hôtel, je rencontre ma liache Ken. J'éteins mon tel, ou du gush, la blonde en a dans le zen. Hey, je suis dans mon tel. Des nœuds qui mélangent le style, vise les jambes, des hanches vite, gros. Les gens s'excitent dans la musique, dans la beuh, dans le textile. Ok, je t'explique, je taffe que pour les meufs sexy. On attend le succès, choisis pas la destinée. Non, je mérite ce que je mérite. Ce que c'est quoi, mais c'est pas la vérité. Ça faisait pour toi, ne ski chez toi. C'est un dépôt, toi. Je défile l'état, dérobé pour moi. Tu décolleras, évite les tasses. Ça fait des boulets rebondis comme une balle de tennis. Je vais les découper, les gars. Ce qu'ils font, c'est vraiment pas terrible. J'ai les couplets, les faces, ça va tourner comme un satellite. Venez écouter mes bails, pas le beat. Mais va s'inviter au palais, vider au parleur. On va parler business, éviter le parloir. S'aventurer vers là où y'a de la verdure. Verdure à boire. Mélanger n'est pas à l'air. Mélanger n'est pas à healer. Parti. Oui, mélanger les pinceaux. Avec Mati. Mélanger n'aime pas aller. Les têtes d'affiche. Tous tes frères d'achiche. Ont les idées dans les lacets. Je vais me baigner dans les bassins. L'aqua boulevard. Bois ça, boisson. Comme à Cuba. Dis-moi qui m'a kebab, j'ai le petit mot qui manquait. Moi, je sais qui c'est qui m'a bébard. À la douane. Trouve ça magique. Parfume les MC à la carabine. Parfumé des sticks et tes paravis. Crois au paradis quand tu parades. C'est des piradieux. Y'a des paradoxes. Ça repart en deux, on opère à deux. Ça va pair à dur comme la BO d'Hostel. J'ai un peu rodé. Pareil pour l'opéro d'Aim Gucci. T'as vu du Gucci. Comment Hostel. Bang, bang, bang. RK9. Si, si, c'est le gars. Yeah. Tu connais les bails, ma gueule. Tu connais les bails, ma salope. C'est quoi les bails? On est avec Fred? On est avec Swift? Ah. Envoyez-nous autre chose, envoyez-nous autre chose. Petit souci dans ce truc. Dédicace à vous, Snare, à tous nos gauchetards. Tous les gens qui sont connectés. Caméléon bientôt dans les bacs. Swift Gad est là. Ses vertus, deux dans les bacs, bande d'enfoirés. Ouais. Deux négros vivent dans un film, tous remplis de cinéma. Pour les fumées Marocco, filtre à l'arrière du coffee, pressé kilo de Suriname. Je coupe des têtes, je refais le monde avec des scies. Où t'as vu que le béton portait des slims. Chaque jour je risque de béton, je rêvais d'être libre. Arrêtez le bédo gros, vendez des strings. Mec on veut ce qui parle à promenade dans qu'un embrouille. Il a pas connu la frappe, tu lui cales en bouche. Orchestré ton décès sur une bande son et je me la passe en boucle. Non, non tu n'es pas chaud, tu es gâté fils. Non, mais le radio pour lâcher de pitre. On aime jouer en gamos pour aller allumer un... La recette est dans les gènes. Mais gros, il je prends les rênes. Chiter toute la journée pour nous, le bonheur est dans les rêves. Comme le quartier des sentiments délabrés. Tellement sous qu'on sait plus ce qu'on a fait la veille. Les poches pleines, qui n'a jamais dérapé. J'ai craqué, mais jamais j'ai retourné ma veste. Case, Bech Lab, Jay. Ok, ok, ok, ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Yeah, yeah. Je rime comme un dingue depuis 2004. J'ai commencé à peaufiner mes flots dans la putain 9ème zone. Je traîne avec des rorties ou sinon des ratpies. J'ai commencé à former un janky dans ma soul dome. Tu connais mon histoire, petit mythoman. Fais attention à ce que tu vas raconter à tes gars sous whisky. Sous whisky y'a pas de pote, petit padawan. Tu les feras plus fumer sur le joint, ils iront tout dire à ton ennemi. Mon gars, tu m'estimes, je te renvoie du respect. Tu me demandes ce qui va se passer, moi je crois qu'ils vont y rester. Bang bang, j'ai allumé tout le monde, t'es un fils de. Tu sais bien qu'on t'a démasqué, va le dire à ton monument. Il dira que tu es un vrai motherfucking bulldozer. Il va se mettre à Mozart. J'ai le mort tous les jours et je pense à comment faire plus d'oseille. Je vais taper les beaux-arts. Mon gars va c'est Paris 19, mais les watts. Quand t'es posé sur le terrain y'a plus de stuff. Mais les voiles, tu veux faire des thunes dans le rap, mais voilà ref, t'as du mal. Dans les clips qu'un rigava, je veux pas la meuf, je veux la maille. J'ai connu la rue, l'hôtel, les potes qui t'écalent. J'ai de moins en moins d'amis, ok, y'en a plus pour moi. Tu connais pas ma vie, ni mes envies, ni mes inimitiés. T'es tombé sur un os d'omba. J'fais des gosses dans le dos de la clé à Sarko. Y'a des hommes en survêt et des zoulous en starco. Elle ressemble à un fruit de mer, va le dire à ta pinko. Elle a mis trop de fond de teint, elle se prend pour Sophie Marceau. Ou Rihanna, ou Rihanna, ou Rihanna, ou Cyrano. Mon ami, rayonnant, rayonnant, rayonnant, rayonne. C'était la session live. Merci à vous tous pour cette nocturne. Merci à vous, Swift. Merci, Big Up. Swift Jarod. Merci à vous en tout cas. Swift. Eh, merci mon gros. Merci pour cette invitation. On est venu foutre le feu et on reviendra avec plaisir. Eh ben, grand plaisir. Donc, c'est quand alors la sortie du prochain projet? Comme tu as toutes les dates en tête. Donc, Ah non, j'ai plein de dates en tête, mais le prochain album sera un album. Ah, il y a un petit problème. Ouais. L'album il s'appellera voilà, ceci est mon sens, ça arrivera plus tard. Pour l'instant c'est Vice et Vertu volume 2, c'est dans les bacs. Et voilà, s'il y en a qui ont kiffé ce soir, je les invite à aller pécho le scud et à faire tourner ça à tout leur entourage sur les réseaux sociaux. Et ben merci en tout cas vraiment. Viral. Remercie un petit peu tout le monde. Donc il y avait Jarod ce soir au micro. Il y avait Jarod, il y avait la race canine, Nusky, Rob D que vous avez pu découvrir ce soir, In Full Effect. Il y avait les MC des studios Buzz Lab, Big Up à Simon. Donc je peux citer Shady Shaka, Lick Magic, JK, Titan, qu'on pourra retrouver toute cette équipe sur le titre Fébédave. Le clip arrive le 14 décembre. Je peux citer décembre. Aussi l'original Tonio, Jarod, tous les gens qui étaient là. Et un big up au seul absent donc du projet qui est Paco, qui n'a pas pu être là ce soir. Un big up à Paco. Voilà. Et donc, ça. Toi sur scène le 5, hein, c'est ça hein. Le 5 décembre 5 à Paris, décembre. Le complexe 1353. N'hésitez pas à venir, on va foutre un putain de bordel. Merci à vous tous en tout cas pour ce début de nocturne encore pendant une petite trentaine de minutes. Avec du son, tiens, c'est un son qui va faire plaisir à Jarod. Yeah! Bonne soirée, merci.

sur chacune de tes œufs. ROH de Zeuf, quoi, je me présentais. Pire que la club, le gauche-droite, qu'est-ce qu'un d'état santé. Je te baisse ta grand-mère, je suis pas en train de plaisanter. C'est ceux qui te font chier dessus que je viens représenter. Mais c'est jamais de me clasher. Handbag, veut-on pas le bâton, je vais t'enculer avec. V-I-T-R-Y, toujours aussi fêlé, demande à D-R-Y. On revient les rafaler. Les vrais, ça court pas les rues, mais peuvent te faire cavaler. Suffit pas de nous sucer, faut prouver, faut avaler. Nous tourner le dos, c'est vouloir se faire enculer. Regarde-les dans leur cul de Navalo, gesticuler. Dois-je les prendre au sérieux, me vois rien calculer. 9 millis dans leur bouche, veuillez articuler. Je rentre seul dans leur tête, car je suis testiculé. Ceux que vous croyez mafieux, ils n'ont rien de particulier. J'ai les dents longues et pointues, je vais tous les draculer. Ils caillent leur grand-mère, on va les caniculer. Ils nous défient, nous fuient, j'sais pas ce qu'ils veulent. J'ai rien besoin de faire, ces caves se niquent tout seul. Fermez vos sales gueules, j'en viens tout niquer avec mes bons, tous mes peuls. Bon, parasoniquer, je n'ai que faire de leur clash, pas grâce à tourniquet. Pyromane prend son cash et crame tous en briquet. Mieux reçu que François Hollande en grande pompe. Eux nous font se faire mettre à la montre à coup de pompe. La haine monte au cerveau, le meurtre, une tentation. J'attise trop de tension, attire trop d'attention. On compte plus les dossiers, marre des plus chez des bananes. Si j'avais assez, je ferais manger tout Paname. J'ai vite de montrer devant tous ces caméramans. Je préfère faire masser par mes tismes et mes hanan. Elles veulent me frotter, me poncer comme au hammam. Et me pousser à faire des bails trop haram. Laisse le rap game, fantasmer sur le rap game. On a les armes, le courage, non que la dégaine. Pas peur de pasta, foutre de balançoire. Le miroir ne reflète qu'une fausse carrière d'un soir. Les millions n'achètent pas les bonhommes et l'histoire. Du Tchekar au mitard, mais son nourrice l'espoir. Lis entre les lignes et sniff les fait une ode. Kono, Komoko et Zaev trop chaude. Vous n'êtes que tendance et je vais tous vous démoder. Nos couilles en béton, les vôtres en pâte à pâte à mode. Morale en bapelé, l'isolement nous a rôdé. Frère on connaît frère au coup d'œil en langage codé. On arrive mieux à se dessouder, car je dessoudé. C'est cher payé soldat, nos guerres sont pas soldées. Gratuit, il nique ta mère. On gâche nos vies sur un coup de nerf. Marche arrière, coup de première, refus de tempérer. Vite hachez-vous, on peut vous allumer. Déposer le corps devant chez vous. Notre haleine sent la mentale. Gros la leur ne sont que les mentales. Trop paro et brutal, j'ai la plus grosse dalle. Ta voix est fatale, putain de langue de gros dalle. Marrakech, cortège d'hommes de Néandertal. Décapoté, bracelet, bête les continentales. Respecte les grands avant qu'ils piétinent ton âge. Ils se font des films et shit sur le genre du tournage. Tous des victimes dois-je leur rendre hommage. Ils veulent mon oseille, je suis la terre et des dommages. Ouais j'ai grandi, t'es l'un animal sauvage. Me noter à plusieurs condés. Quand y'a sauvage, j'essaye d'adoucir l'image. Blané le mec sage, j'suis pas crédible. Lâche l'étane, mon vrai visage. Y'a que les monuments qui se croisent pas sur Paris. Ils sont prêts à hypothéquer leur baraque. Sûr de gagner le pari. Champion du monde de rap, toute catégorie. Même petit gabarit, gros mangeur de gorille. Oh oui, t'es trop lent, trop lourd. Mais un coup, j't'en mets 57, t'es tout pas lourd. Tout n'est pas que c'est grave, violence, y'a de l'amour. On a fait qu'est gros, ceux qui n'ont qu'une chico, y'a de l'humour. J'déboîte ça pour les frères au Hez, pour les frères en Hez, même les frères à l'aise. Laisse parler les gens, laisse parler l'argent. Ici leur trap passe, tel une golf ferme sur les champs. Ils tirent que paintball, j'ai du détachant. Et que me noter sur le banc, que pour les keufs, on est attachant. J'viens de vitrer sur haine, en mentalité gang. Un gros pack de Ken, fil rouge jamaïcaine. Ils savent qu'on les ken, pour qui c'est sous se prennent. My nigga shake in Ukraine, les ghetto youth les gênent. Les rois du monde, on les traîne, on fait tourner leur reine. Les couilles sont pleines, car l'autre sont les peines. Mais ils leur font plus de zay, tous ces rappeurs font de la peine. Une vingtaine de bouteilles, leur tasse incruste à notable. Elles crèvent de soif, leur bleuta est minable. Ils veulent un feat mais sont pas rentables. Plus violent que la visorie pas rentable. J'aime du respect à ceux qui se respectent. Chef du parti radical du rap sec. T'aimerais que j'arrête carrément de rapper. J'vais te crever, t'empêcher de reposer en paix. Ici Migos ne sait pas rapper. Bientôt j'lâcherai le rap comme un paix. J'laisserai qu'orphelin et cocu. Comme Floyd, j'partirai invaincu. Une carrière à la hauteur du vécu. Comme Floyd, j'partirai invaincu. Lundi 20h-21h, Rof débarque dans Planète Rap. 100% rap français. Planète Rap. La nocturne. Démocrate D, Black Jack. MC révolutionnaire. Personne ne peut nous stopper en fait, yes. MC révolutionnaire, nous sommes, hey. Personne ne peut nous sauver. Tous les gens sont là. Tous les MC révolutionnaires que nous sommes. Tous les gens sont là. Pour tous les MC révolutionnaires. Hey. MC révolutionnaire. révolutionnaires, nous sommes les. Personne ne peut nous stopper en fait, yes. MC révolutionnaire, nous sommes hey. Personne ne peut nous sauver. Tous les gens sont là pour le MC révolutionnaire que nous sommes. Tous les gens sont là pour tout le MC révolutionnaire hey. J'entends dire que les MC ne manquent pas d'air. Je me souviens quand je rappais sous les lampadaires, à gratter mes textes assis sous le banc de la guerre. Je peaufinais tous mes flots dans les rues de Nanterre. Vite, les années sont tellement passées, j'oublie l'inventaire. Une journée comme celle de Charlie est dédiée à l'enfer. J'ai sacrifié ma vie, hélas, comme un fils qu'on enterre. Je me souviens quand je rappais encore dans le ventre de ma mère. J'irai mourir sur moi un jour avec la corde de la terre. J'irai donner ma vie au maître comme l'ont fait mes ancêtres. J'irai briser peut-être les chaînes mais je me sens comme un traître. Je marche dans tout mon être comme l'attitude des nègres. MC révolutionnaire, nous sommes yeah. Personne ne peut nous stopper en fait, yes. MC révolutionnaire, nous sommes hey. Personne ne peut nous sauver. Tous les gens sont là pour le MC révolutionnaire que nous sommes. Tous les gens sont là pour tout le MC révolutionnaire hey. MC révolutionnaire, nous sommes yeah. Personne ne peut nous stopper en fait, yes. MC révolutionnaire, nous sommes hey. Personne ne peut nous sauver. Tous les gens sont là pour le MC révolutionnaire que nous sommes. Tous les gens sont là pour tout le MC révolutionnaire. Je continue dans ma lancée sans oublier mes frères. J'ai pu observer dans la rue que la violence est réelle et que la plupart des gens obéissent au doigt et à l'œil. Selon ta classe sociale, les flics te mettent en bouteille. Juste pour une attaque verbale, il y a eu un mort à Créteil. Quand l'éducation n'est plus, il n'y a plus de jeunesse. Puisque l'espoir nous échappe, il faut crier détresse. Puisque les jeunes utilisent le rap pour lancer un SOS. Et c'est mon Graal et mon miracle, ma cache secrète. Je suis discret et trop rare, comme les chasseurs de têtes. J'arrive bien précis, fais mon job, me casse direct. Et j'ai des compétences à la José Pérec. Et je peux danser à la, bien sûr, à la Thérèse. Je peux militer à la Hugo Chavez. Damn, en puissance et en force, je viens visiter Clichy sous bois Montfermeil. MC révolutionnaire, nous sommes yeah. Personne ne peut nous stopper en fait, yes. MC révolutionnaire, nous sommes hey. Personne ne peut nous sauver. Tous les gens sont là pour le MC révolutionnaire que nous sommes. Tous les gens sont là pour tout le MC révolutionnaire. Démocratie. Sergent Major, R.A.P. Dédicace à toi Jean. MC révolutionnaire, MC sans rancœur, Montfermeil, Clichy-sous-Bois. Beyond the Heat, Démocrate D, puissance et en force. 100% rap français, planète rap. La nocturne. T'es max en Y, juste un temps Y, runner en Y, KX en Y. T'es max en Y, juste un temps Y, runner en Y. Y'a que des fils de pute qui tournent dans le secteur. Patrouille ninja en TDM, la clique à l'inspecteur. Y'a ce qu'il faut dans la porte, y'a de quoi leur faire peur. Y'a ce qu'il faut dans la porte, y'a de quoi leur faire peur. T'es costaud mais à quoi ça sert? Y'a les petits du tech qui branchent ta sœur. Tu te mêles dans des affaires, tu te prends pour un braqueur. Un jour tu traînes avec des voleurs, un jour tu traînes avec des casseurs. Un jour un mec te propose des sous pour t'armer sur un fighter. Y'en a qui savent se taire, y'en a qui fument du shit et d'autres de l'air. Pousse-toi de là si j'accélère, j'suis trop pressé, j'te monte en l'air. Petit pas de danse, ouais le rap j'suis dedans. J'dédicace dans la mer qui bat tant de temps. Petit pas de danse, ouais le rap j'suis dedans. J'dédicace dans la mer qui bat tant de temps. Dehors tout le monde va t'assurer, dedans des gains va t'assumer. Poto on t'a cramé, tu t'en mets dans le nez. Tu vois ton frérot à patte, tu veux pas l'amener. J'fumais la patate du riff pendant que sympathiser avec les chemises. Routine c'est devenu banal, propé tout devant les banales. Sans chez moi je suis en fumette, j'bois de l'oasis fraise banane. J'en m'agite sur le jarret, j'croise des fans qui prennent des photos. Prends pas trop la confiance, j'suis gentil mais t'es pas mon poteau. Sur Ali elle est en pète bonne, mais à la base c'est une chamelle. Et voilà elle t'a mis dedans, maintenant elle veut son sac Chanel. J'me mets bleu sous osé, ma tête tourne elle va exploser. Ça fait 13 ans que je rappe, j'ai encore faim de poser. J'serai tout tête, j'fais les 100 pas, alors tu as deux doigts d'être millionnaire. Petit pas de danse, ouais le rap j'suis dedans. J't'ai dit casse dedans, mère qui va quand dedans. Petit pas de danse, ouais le rap j'suis dedans. J't'ai dit casse dedans, mère qui va quand dedans. Des fois j'suis sur les nerfs, alors j'fais le mac avec les banales. Et quand j'passe à la Sioux, j'fais cracher le moteur du Paname. Trop d'embrouilles que ça passe du coq à l'âne. Dehors c'est quoi dedans, donc mon petit va dire range ta lame. T'es mat sans Y, oh le con Y. J'sais pas comment il va faire pour esquiver la 308 break. Tu veux me test pas touche ma team, grâce à elle j'fais d'or et platine. C'est l'été chant gamin si j'm'envoie les mèches blondes platine. Petit pas de danse, ouais le rap j'suis dedans. J't'ai dit casse dans la merde qui braque en dedans. Pas de danse, ouais le rap j'suis dedans. J't'ai dit casse dans la mer qui braque en dedans. Dimanche 20-21, Planète Rap spécial Joule. Et Marseille, la Joule, les t'inquiète. En Y, en Y, en Y, en Y, KX en Y. Français pendant quelques minutes encore. Joule, GLK, dédicace à Ibra à l'écoute. GLK maintenant dans la nocturne. 100% rap français. 100% rap français. Planète Rap. La nocturne. Je pense à mon avenir, les vrais et les faux. Ouais. Qui restera sur mon navire? Papa. J'suis un pirate, ouais. Sorti du 9-3 à ma jean bobini. Insulte ta mère, au lieu de faire la mafia en Lamborghini. Pour elle c'est fini, ouais. Va leur dire c'est fini. Ouais. Ouais. T'embrasses ta mère, ta halène à des salopes, fais des cunis. Salope, salope. Que Dieu te punisse. T'as pas d'âme, patard, patard, patard. Les meurs sont chicha. Y'a plus de patate, patate. Donne le bon exemple au petit frère, non j'pense pas. Et si j'cartonne dans le rap, nique ta mère, j'fais pas de constat. Renseigne-toi sur moi, ouais. Mon vécu on te racontera. Faut un minimum de bif, si tu me proposes un contrat. Faudra assumer, ouais. Ramène ton champion, j'te promets. J'le casse en deux formations de la pré-saison AS, tu connais. Le 9-3 n'a pas de patron, non. Le 9-3 n'a pas de patron, jamais. Trop tard pour demander pardon, pas tard. Le 9-3 n'a pas de patron. Moi j'fais mes petites affaires. Allô, t'es où? J'suis haut, t'es low. Avec une de ces putives, c'est la vierge. Sur la fille de ma mère. Sur la fille de ma mère. J'suis déçu, j'suis déçu, j'suis déçu. Ouais. Et tant petit, tout, tous des sous. On a grandi et s'allume pour des sous. Putain, j'repense à notre enfance. Ouais. J'm'en mets mort des délires de fou. Putain, arrivé tous d'être une star de foot. Oui, on a fini sur terrain, mais visère de la chnouf. Ah, moi j'dis des halls, ne s'invente pas de rôle. Parle pas avec moi ou parle-moi d'euros. J'suis 250 derrière le 10 de Roro. Dis-moi qui l'aurait cru, là, ce beef à follow. Posé dans le carré, vit pendant son croco. Gardez vos propos, du vrai rap que de la frappe, ouais, c'est ça qu'on propose. Y'a c'est un midi, en I on t'a dit. Siri m'a sort le fer, nous on fait ce qu'il en faire de vendredi à vendredi. Faudra assumer, ramène ton champion, je te promets. J'le casse en deux formations de la pré-saison AS, tu connais. Le 9-3 n'a pas de patron, le 9-3 n'a pas de patron. Trop tard pour demander. la nocturne 100% rap français, GLK. Et Bilal maintenant, nouveau son Magnum à écouter dans la nocturne. Planète Rap 100% Explicit Lyrics. Avant un morceau de la crime, j'espère qu'il est à l'écoute la crime, on lui envoie plein de force. Grosse dédicace à la crime, Ripro 2, ça arrive le 11 décembre. Shampoing ou chauve, je me noie dans le fond de la tête, cherche pas de marée, rien à péter. Encore foncé de la veille, pourtant hier rien à fêter. On connaît tous la fin de l'histoire quand quelques voient où va faire la fête. On boit jusqu'au trou noir, on sait pas ce que c'est être pompette. Je les aime timides et coquets, autant ils étaient avec du toupet. Je deviens direct après ces coupettes, donc au final tu finis par tout perdre. J'aime trop les femmes, c'est peut-être pour ça que je leur fais du mal. En chien, j'appelle tout mon répertoire quand je suis fou dès 6h du mat. Magnum, dédicace 6-0, NSO Mondrian. Ouais. Yeah. Toto est là, dans la maison. La Nocturne. Avec Rams. Stop. Le morceau dans La Nocturne qu'on écoute maintenant. 100% rap français. Rams. Il est là, Fab. C'est la galère dans la zone, c'est la haisse qui t'assomme. Je bouffe des instrus comme si je bouffais des pipassoles. Je fais tout ça pour déconner, mais tant mieux si ça marche. Wesh, poteau, tu me connais. Que de la musique de barge, là je suis posté au bigot. J'en profite dans ma 2T, c'est pour mon petit petito. Wesh, ma t'assois pas teubé. Je fais tout ça pour mon quartier et pour tous les gens qui m'aiment. Agacer la même, c'est pour tous ceux qui me soutiennent. Les gens disent que j'ai un talent, mais peut-être que je vais jamais percer. Chacun son étoile, vas-y, laisse-les. Pour mes petits frères, Khaled et Daouda. À tous les Ryan, à Jason et Malouda. Stop, il faut pas négliger. Tu archi déter, je sais pas si t'as pigé. Quand tu m'entends t'es pigé. Laisse tomber la musique ou tu vas t'afficher. Stop, il faut pas négliger. Tu archi déter, je sais pas si t'as pigé. Quand tu m'entends t'es pigé. Laisse tomber la musique ou tu vas t'afficher. D-I-N-E-S, Ish et Rachid. Demande-leur quand je prends le micro, ça va plus vite qu'une machine. J.K. et son équipe, et le petit Manito. Angelo, le petit Ilyes, et le petit Popito. J'suis toujours discret, photo j'suis pas trop bavard. J'garde mes distances, parce qu'il y a beaucoup de bâtards. Toujours dans mon coin, j'calcule pas trop les femmes. J'ai pas de Ferrari, car c'est de ça qu'elles sont fans. Si j'prends le micro, c'est pour les darons, les vreux. Pour à tous les démunis, pas un euro

qui s'en prend le des conséquences. Ils font semblant de croire au 11 septembre. Je vais me lancer. Nique le FN, nous c'est la France. Souvent c'est en s'étant, le slogan s'étend. Attends, on en sait quelque chose. Des grands élans, des embêtants, des trains, t'es de la testostérone. Et quand je pense à la suite, j'ai mon enfance à la pluie. Une goutte de pluie pollue Paris, le nuit immense à la quille. Et faut que tu penses à la suite. Tu veux ton nom à l'affiche. Dis-toi que changer ton histoire triste en une romance, ça va vite. Fini de blague et on passe à la suite. Les années filent et mon lit qui passe à l'affiche. On s'écarte pas des bases, demande à ta clique. On prendra pas la soupe sans être fataliste. Fini de blague et on passe à la suite. Les années filent et mon lit qui passe à l'affiche. On s'écarte pas des bases, demande à ta clique. On prendra pas la soupe sans être fataliste. J'suis même pas 1% pour tout vous dire, j'suis pas au top. Mais j'rappe que le meilleur MC de ta bande de potes. J'suis dans la suite, dans la chambre de bonne. La concurrence va finir dans la bande de clubs. On évite le mauvais œil, on les emmerde. Souvent on les enchaîne de manchettes comme des volleyeurs. On prend le rap à la suite, sniff dans des choses. Des rimes sans plus flow qui t'envoient à l'asile. De la shit et de la suite dans les idées claires. Sans les hymnes, sans les hymnes, et quand je dessine des vers. Trouvé tard, souper tard, après méditation. L'après-minute, j'gratte des mini rap, préméditation. Mon crew est avec vous, pratiquement frère. Appliquant, pratiquant le vrai, donc roulez avec nous. Où allez-vous prendre la suite jusqu'à la fin? Vous allez vous prendre la suite jusqu'à la fin. Fini de blague et on passe à la suite. Les années filent et mon lit qui passe à la biche. On s'écarte pas des bases, demande à ta clique. On prendra pas la soupe sans être fataliste. Fini de blague et on passe à la suite. Les années filent et mon lit qui passe à la biche. On s'écarte pas des bases, demande à ta clique. On prendra pas la soupe sans être fataliste. Fini de blague et on passe à la suite. Les années filent et mon lit qui passe à la biche. On s'écarte pas des bases, demande à ta clique. On prendra pas la soupe sans être fataliste. La fin de la nocturne à 995, la suite. Mais la spéciale dédicace à Léo Git Git, Montrouge, BGX, on est là, bra bra bra. Parfois tu me fais peur. C'est la nocturne, c'est normal. C'est la nocturne 100% rap français. Nora était dans la maison, Thomas était dans la maison, Mondrian, dédicace Mondrian. Mondrian, on y va 7 sur 7, c'est là où il faut aller, c'est l'endroit. C'est quoi le numéro de la rue déjà? 148 boulevard Saint-Germain, allez de la part de Fred, y a pas de problème. Y a des verres gratos. On est dans la rive gauche. Momo était là, Anaïs était là. Fabuleux était dans le coin. Allez, vas-y. Marie, tout le monde est là. Brah. C'est la fin de la nocturne, prochaine nocturne dans une semaine. À pas louper. Dimanche soir, Jules. 20h-21h, un Planète Rap spécial avec Jules. La semaine prochaine, Rof aussi à pas louper. L'album de Rof qui sort le 4 décembre, celui de Jules aussi. Bref, on va passer du bon temps dès dimanche. Loupez pas à 20h-21h. Et là, c'est parti. Fabuleux est au contrôle. Rap R&B en non-stop. Coup d'envoi. Bonne nuit. Skyrock. Premier sur le rap. Yeah, nigga. I'm still fucking